Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 75e émission des podcasts de VR for Player. On va discuter autour d'un VR. Et on se retrouve pour une nouvelle émission. Et on se crache dessus. Et on crache une intro pour cette nouvelle émission. Et je suis entouré de Majo. Salut Majo. Bonsoir. Est-ce que ça va bien Majo? Très bien, après un mois de repos, ça va beaucoup mieux. Voilà, donc c'est vrai que tu nous as lâché lâchement la dernière fois. Ah, mais Covid oblige, hein. J'avais ma carte. On t'en veut pas. Ah ouais, c'est vrai que c'est la mode en ce moment de se choper le Covid. On a tous des amis ou de la famille qui l'a chopé. Et puis, malheureusement, t'es tombé dedans. Je voulais pas vous le refiler, donc quarantaine. Ah, c'est gentil. Tu es prévenant comme garçon, moi ça on le savait. Ensuite, nous avons El Rocco. Salut El. Hello. Ça va bien? Hello. Comment vas-tu, El? Bah ça va, je suis content d'être là comme d'habitude. Je savais pas comment occuper mon arrêt maladie pour cas contact Covid, donc voilà, on est encore dedans quoi. Il y a et plein de cul de ce truc. Hein. Ouais, donc voilà, content. Bon, et ensuite nous avons l'esprit, vu que nous n'avons pas l'image, nous avons l'esprit de Laurent qui nous accompagne. Salut Lolo. Ouh, je suis le fantôme de Lolo. Je suis caché dans mon nez. Ça va Lolo? Oui, moi je slalom entre les Covid, mais je ne l'ai pas eu. Ouais. Bon. Ce qui est bien, c'est que dans ton village, il y a autant de Covid que de débit internet, apparemment. C'est ça. Non, il n'y a pas de débit et beaucoup de Covid. Ah, c'est ça, ok. Bah, c'est dommage, on ne peut pas gagner à chaque fois. Hein. Ok, bon, en tout cas, on s'arrangera pour quand même que tu sois un petit peu avec nous pour cette émission. Et on va commencer justement. Je t'enverrai une photo matin. On va mettre des archives INA, tu sais, merde, les trucs à l'ancienne, images récupérées, on va faire un montage. On va trouver des dossiers, tu sais, des photos de Laurent avec des cheveux, tu vois, des trucs de fou personne n'a jamais des vu. Vieilles photos. Voilà, avec les cheveux longs. Oh, une petite animation à la South Park, tu vois. Ouais. Juste, on mettra juste les petites animations au niveau de la bouche, quoi. Oui, grave. Il y a un truc à faire. Ça mouline, hein. Heureusement qu'il y a la jeunesse, hein. Ah oui. tu commences mal, toi. Fais gaffe. On va commencer du coup par les news, Laurent. Enfin, les news. Est-ce qu'on peut appeler ça des news? La news. Les news. Ben, c'est la dèche. C'est la dèche complète. C'est la merde. Donc, je sais pas si vous avez vu la tête du site, mais il y a rien. Il y a quelques trucs, hein, mais on comprend bien que c'est les mecs qui récupèrent tout ce qu'ils peuvent récupérer pour faire une news et ça tient pas la route. Alors, il y a des gens avec un petit râteau et qui sont dans la vase là et puis qui essaient de récupérer un peu les coquillages du fond, quoi. Otami, et puis tu récupères un petit bout de verre, tu prends ça pour un diamant, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le truc dingue qui a été repris de partout, c'était Kojima Productions qui serait en train qui aurait récupéré les dev kits PSVR 2 et qui serait en train de travailler sur un jeu PSVR 2. Seulement, la personne qui a balancé ça, donc c'est OopsLeaks, donc c'est quelqu'un qui est habitué à ne poster que des leaks en fait. Mais alors ça m'a beaucoup fait sourire ce qu'il a posté, c'est qu'il a dit selon des informations non confirmées dont je dispose. C'est flou quand même. Hein. C'est... Alors t'as des informations mais elles sont pas confirmées, d'accord. Ah, pourquoi tu en parles? Mystère. Je sais, d'habitude, les leakers, ils ont quelqu'un dans l'industrie qui leur dit ça va être ça. Et ils disent, j'ai entendu quelqu'un qui a dit ça. Bah, lui, non, il a entendu quelqu'un qui lui a dit attention, c'est pas confirmé. Il a entendu une voix dans sa tête. Quoi. Voilà. Donc, en gros, la petite histoire, c'est que Kojima aurait rencontré une productrice française qui s'appelle Céline Tricard lors d'un festival de films VR. Et donc, il serait en train de monter apparemment une petite expérience, apparemment. En gros, il avait déjà annoncé qu'il était en train de travailler sur un très gros jeu, Kojima. Et en parallèle, il était en train de travailler sur un plus petit projet, mais très, très expérimental. Donc, il pourrait s'agir de ce projet-là. Les rumeurs disent qu'il travaillerait avec cette Céline Tricard pour mettre ça en place. Mais on n'en sait pas plus. voilà quoi, c'est tout ce qui faire un article de ça, et ben on aurait fait 10 lignes et puis voilà quoi. Et si c'était le cas, bonne ou mauvaise nouvelle? Bonne plutôt, ça, non? Ça dépend si t'aimes les jeux Kojima. Alors là, le terme petite expérience ne vous dérange pas? Non, parce que c'est ça qui nous gêne. Ouais. Attends. Le truc, c'est que Kojima, il a quand même beaucoup d'envie de faire du cinéma. Et, le retrouver dans une expérience et dans une petite expérience VR où il pourrait mettre tous ces trucs qui lui passent par la tête, et il y en a quand même un gros paquet. En réalité virtuelle, moi je serais plutôt curieux, même si je suis pas vraiment client de ses dernières productions, notamment Death Stranding qui m'est, j'ai pas aimé quoi. Pourquoi pas. Moi je vais l'essayer comme le ça. Je vais vous départager, le jeu, vous mettre d'accord. Le jeu qui divise. Allez, on se fait une soirée Death Stranding, Star Wars épisode 8 et No Man's Sky Hitman. Et Days Gone. Voilà. Oh bah que ça des taille. Bons jeux. Que ça des taille. Bons jeux. Et Star Wars Vader Immortal. Voilà. Ça taille. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté. Kojima, de toute façon, ça ferait vendre. Donc, c'est sûr que s'il y a le mot de Kojima associé à une expérience VR, ça va attirer des curieux dans la VR. Par contre, c'est plutôt l'effet boomerang à la con qui peut te péter à la gueule rapidement. C'est de balancer, comme pour le premier PSVR, des tonnes de petites expériences en t'annonçant du S-Combat 7, du Gran Turismo, du Tekken, ou qu'est-ce qu'ils avaient annoncé d'autre, même Batman. Il durait pas très longtemps, Batman. Et au final, le problème, c'est qu'on a vite vu que le soufflet se dégonflait très vite, parce que les mecs, ils ont dit, mais en fait, tous les jeux qui au départ devaient être censés être sur le PSVR, c'est que des trucs d'une heure ou deux, quoi. Donc j'espère qu'ils vont pas faire cette bêtise-là. Ça me dérange pas qu'il y ait des petites expériences d'une heure ou deux qui soient balancées de ci de là. Mais pas qu'il y ait ça, quoi. Si à côté, il y a du solide, quoi. Donc pour ça, ça m'a pas plus emballé que ça. Truc de Kojima, ça sera peut-être génial, mais pour l'instant. Et après, Kojima, il utilise maintenant le moteur Decima. En tout cas, il a utilisé ce moteur-là pour Death Stranding. Le Decima qui vient de Horizon, et le Horizon donc qui va être porté dans un jeu PlayStation VR 2. Donc, peut y avoir un truc logique là-dedans, quoi. À la limite. D'accord. À suivre. Si on doit y voir un lien, c'est celui-là. En tout cas, c'est un truc qu'on met de côté, on en parle là. De toute façon, si on voit se concrétiser, si ça se concrétise et qu'on. Disons que s'il y a plusieurs trucs qui se rejoignent et qui recoupent avec Kojima, on fera un article. Mais là, pour l'instant, le type qui balance selon les informations. Dont je ne dispose pas. voilà. Quoi. Faudra ressortir cette formule, je pense. Ah ouais, c'est parce et Laurent, selon des informations dont je ne dispose pas, je suis sûr que Half-Life Alyx va sortir sur PSVR 2. On n'en a pas parlé de ça. T'en penses quoi, toi? Moi, ça, je le crois. Je le crois tout simplement parce que PlayStation sont à fond sur Steam. Et je ne comprendrais pas qu'il n'y ait pas un retour de manivelle du côté de Gab Newell. Donc là ils ont balancé God of War qui est quand même le jeu la plus grosse vente de ces 3 mois de Steam. Et puis pour l'instant il reste en place quoi. Horizon avait déjà pas mal marché, mais God of War il explose tout. Là ils vont continuer à en envoyer parce qu'il y a Uncharted 4 qui va débouler avant le film. Il y a d'autres rumeurs qui parlent d'autres jeux. Je serais pas étonné de voir The Last of Us débouler avant la série sur HBO. Sur PC derrière Last of Us sur PC, ouais, sur PC le 1, ouais. Un remaster du 1, ouais. Ouais, ça aurait du sens. Je sais pas parce que la philosophie maintenant c'est vraiment aller sur le PC, donc à mon avis ça va se multiplier. Tous les jeux qu'ils y ont mis, ils sont déjà passés PS Plus avant. Ouais, mais il a été donné PS Plus. Même God of War. Même si, God of War. Le remaster, ouais. Le remaster de Last of Us. Le remaster, il est dans le PS Plus, PS5 là. Je parlais du 2. Ah le 2. Ah non, pas le 2. Non, moi je parlais du 1. Moi. Je parlais du 1 juste pour faire connaître la licence et pour amener plus de monde sur HBO à regarder la série en fait. Ouais, le 1 il est ancien quand même. Ouais, mais il est toujours aussi. Graphiquement il tient encore. S'ils ont prévu un remaster, est-ce que tu crois qu'ils vont offrir le 1 sur PC et sortir le remaster derrière? remaster. Bah, à mon avis, ça pourrait bien débouler en même temps que le remaster. Si c'est un remaster ou un remake là qu'ils vont faire du 1. Je crois que c'est plus remake. Ils ont prévu du 1. Ouais, alors remake. Alors s'ils font un remake, tu crois qu'ils vont le sortir sur PC le premier avant de sortir le remake? Je sais pas. En tout cas, moi je verrais un The Last of Us. Alors je sais pas, remake, vieille version ou. Mais la série va débouler dans pas longtemps là. On va dire mars, avril, je ne sais pas pour quand elle est prévue. Donc théoriquement, ils ont balancé Uncharted 4 justement pour épauler le film. Ils feront pareil avec la série, à mon avis. En tout cas, ça va continuer et puis ça va faire qu'augmenter. Donc pour en revenir à Valve, ce serait de toute façon, Alix maintenant fera pas vraiment beaucoup de chiffres de vente. Donc il a tout intérêt à le balancer sur le PSVR 2 en fait. Oui, c'est clair. En plus, c'est une vitrine. Et puis, deuxième vie. Ouais, deuxième vie, et puis un nouveau public qui l'attend en plus, parce que ce serait une super nouvelle. Pour moi, c'est encore des rumeurs, il y en a plein qui en parlent, mais pour moi, c'est un des trucs. C'est comme si tu me dis GT 7, il sera pas VR. C'est tellement évident. Ah, il y a des, il y a des screens VR dans le trailer. Quelle transition, Laurent, quelle transition. Mais on en reparlera après de ça. Mais disons que voilà, pour moi, Alix, oui, Alix, c'est un des jeux qui doit être sur le PSVR 2. Voilà. Avec justement toutes les fonctions haptiques du PSVR 2, ça. Voilà. Porterait en plus une plus-value, je pense que vous révélez. J'y crois. Sérieux, j'y crois à ça. Ouais. Pourquoi pas? Il serait con de pas le faire en tout cas, ça c'est sûr. Bah oui, parce qu'il va pas ramener de rond maintenant, quoi. Le truc, il a fait son temps sur Steam. Ouais, il continue à se vendre. Hein. Tous les nouveaux acquéreurs d'ordinateurs et d'un casque VR PC ou d'un Quest 2, c'est l'achat obligatoire. Hein. Oui, mais il l'arrête pas sur PC. Mais là, ils sont à côté, ils ont une possibilité. Il y a déjà 17 millions de PS5 de vendus. D'ici que le PSVR sort, s'ils arrivent à en vendre une de plus PS5, ben ils en auront 17 millions et une. Mettons que le parc en septembre-octobre prochain soit autour des, allez, je dis n'importe quoi, 25 millions ou je sais pas combien, ou 30 millions, j'en sais rien, ils auraient tort de pas balancer un Alix là-dessus, quoi. Surtout que ça va continuer à monter. Et pourquoi je dis septembre-octobre? Parce qu'il y a une autre rumeur, donc cette fois qui vient de Nate the Nate. Donc c'est apparemment quelqu'un qui se plante pas trop souvent, et qui lui annonce que le PlayStation VR 2 sera commercialisé en septembre-octobre 2022. Alors ça c'est plutôt intéressant parce que c'est ce qu'on dit depuis à peu près 3 ans maintenant. Un lancement avant Noël, ce qui serait logique, et qui un lancement dans la fourchette du lancement du PSVR qui avait eu lieu le 13 octobre. Ce qui est intéressant, c'est que le PSVR avait été commercialisé le 13 octobre, mais les précommandes avaient démarré le 23 mars, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, le 23 mars. Donc, ce qui veut dire que là, si on admet que le PSVR 2 sorte, admettons, comme le PSVR qui était sorti le 13 octobre 2016, si on admet que le PSVR 2 sortirait le 13 octobre 2022, les précommandes la dernière fois avaient été ouvertes le 23 mars, ce qui voudrait dire que théoriquement, si on garde le même truc, les précommandes du PSVR 2 seraient aussi pour le 23 mars. Et donc du coup, ça veut dire qu'il ne reste pas grand-chose en fait pour qu'il nous montre une photo. Parce que si les précommandes démarrent le 23 mars, il va falloir un petit peu avant nous montrer à quoi ils ressemblent et finir de nous expliquer la fiche technique. Donc là, tout en sachant que tu as en plus GT Sport qui déboule le 4 mars, qu'il y a plusieurs trucs qui vont débouler là sous peu, pour moi, ils vont commencer à nous montrer des photos en février ou début mars grand maxi. Et donc c'est là où on rebondit une dernière fois sur GT Sport où il y a eu le State of Play Gran Turismo 7. Voilà. GT Sport. C'était celui d'avant. Donc GT 7 et donc GT 7 qui sort le 4 mars donc sa version et c'est pas impossible qu'il nous annonce une version VR avant le 4 mars justement pour nous montrer le casque et puis nous dire que les précommandes vont débouler courant mars quoi. Déjà donc, déjà, on est pas loin, une petite question. GT7 en VR, vous y croyez ou pas? Oui. Ah oh bah oui. Oui. Très bien, merci. Bah, c'est un débat intéressant. C'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. S'il n'y a pas GT7 en VR, il faut au moins un jeu de bagnole. C'est un studio first party. Donc, Et j'y crois plus qu'un jeu de combat. Pour le casque. T'y crois plus que quoi? J'y crois plus qu'un jeu de combat ou alors un jeu. Un S-combat, un jeu d'avion, quoi. Surtout qu'il n'y a rien de prévu et que c'est Namco. Il n'y a rien de prévu, voilà. Et puis Namco, ils n'ont pas forcément brillé par leur sortie sur PlayStation VR. C'était loin d'être les pires quand même. Oui, c'était pas les pires. C'était pas les pires, mais bon, on va dire que c'était les meilleurs en termes de promesses et puis de promesses non tenues. C'est ça. Vendeurs de rêves. C'est des vendeurs de rêves, mais j'y crois plus que un jeu de bagnole pour moi c'est obligatoire, ça arrivera. Si c'est pas annoncé. Gran Turismo, quand tu connais un peu tout ce qui se fait autour de Gran Turismo, justement, d'un point de vue simulation, que ce soit les sièges, les volants estampillés Gran Turismo, il y en a un, je crois que c'est. Je vais peut-être dire une connerie, VDTech ou un truc dans le genre, qui vient d'en sortir un justement estampillé avec un véritable moteur avec deux puissances différentes, 5 et 9 Nm, au niveau des vibrations, du retour de force, ce truc qui fait 900 balles. Tu te dis si Gran Turismo, qui pousse justement l'accessoirisation au niveau de la simulation comme ça, ne fait pas une version VR sur la propre plateforme de son jeu. C'est peu cohérent. Tu te dis franchement, ça va pas trop avec le reste, quoi. Donc pour moi, c'est un secret de Polichinelle. Et oui, il y en aura une de toute façon. Mais la vraie question, c'est de savoir si elle sera full VR ou est-ce que ce sera un mode. Je ne crois pas non plus comme le premier Gran Turismo. Ah, il faudrait pas. Ça serait vraiment un aveu d'échec, ça, par contre. Ils avaient dit qu'ils n'avaient pas la puissance de toute façon pour faire mieux sur la gêne précédente. Et je l'ai remis d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Il est, je ne me rappelais pas qu'il était aussi dégueulasse. Autant les bagnoles sont superbes, mais par contre tout est très terne en fait. C'est très grisâtre. Mais il était plus joli que Drive Club. Drive Club était très aliasé, mais. Moi je ne l'ai pas trouvé dégueulasse, Drive Club. Tu quittais le casque Drive Club, tu avais les yeux qui saignaient. Enfin, flou et très aliasé. Mais bon, après c'était le jeu complet aussi. Et le Dirt, il y avait un Dirt aussi. Ouais, le premier. Le premier Dirt. Et lui, il était super. Pas beau, mais il était bien. C'est vraiment super. Oh, si, franchement, il est bien. Ah oui, il était bien. En fait, il avait l'intérêt Dirt, en général, dans les rallyes, tu vas quand même beaucoup moins vite que sur une piste. Et du coup, tu n'avais pas besoin d'avoir. Des graphismes très. Il était pas trop dégueulasse. Ah non, il était vraiment pas mal. Je me souviens des circuits sur la neige, non, c'était vraiment bluffant, quoi. C'était vraiment pas mal. Par contre, je voulais revenir sur ce que tu disais, Laurent, là, pour les précommandes, la présentation, etc. Oui. Je rappelle quand même que la PS5, elle a été présentée et mise à la précommande quasiment en même temps, à l'arrache, demain à 10h, précommandée, sinon vous n'aurez rien, quoi, tu vois. Souviens-toi. Ouais, donc ce qui veut dire qu'il va falloir encore pouvoir ôter 2 mois sans rien, quoi. Ou alors sauter dessus direct. Soit ça, ou alors ils ont pris conscience de ce qu'ils ont fait avec la PS5 et que ça avait été la merde, mais non. Effectivement. Prendre conscience, non. N'occultons pas que le lancement des précommandes de la PS5 avait quand même été assez foireuse, quoi. Ouais. Bon, on a tous mis à peu près un an pour l'avoir dans l'équipe. C'est ça. Non. C'est ça. Ah si, c'est ça. Ouais, c'était plus ou moins. Majo était le premier, je crois. Moi, je l'ai eu Day One. Ouais, mais. D'accord. Day One. T'as vendu ton corps. Il y avait le Covid, il fallait faire des retraits en différé, sélectionner pas plus de 10 personnes par jour. Enfin, c'était l'horreur. Merde. L'horreur. Mais non, je l'avais eu Day One. Okay. Je faisais partie des illuminés qui se sont levés tôt le matin pour aller la précommander. Non, je veux dire, déjà qu'il n'y a pas de jeu maintenant, alors il y avait encore moins de jeux à l'époque. Comment tu faisais? J'avais Godfall. Ah. Le sous-côté. Ah. Le. Ouais. T'avais Godfall des Demon's Souls aussi, donc. Ouais, mais. Non, mais me parle pas de ce jeu de merde. Je parle de vrais jeux, je parle de Godfall. Bon, bah, amis fans des Souls, on vous salue. Bah, non, mais... À jamais, du coup. Je rigole, bien sûr, je l'ai pas fait, mais non, pas du tout. C'est que j'ai voulu. Ce jeu m'avait hypé par son trailer et. C'était la grosse désillusion. Bon, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de. y a pas de, de scénario, enfin il y a que dalle, je veux dire c'est tout, en fait, c'est Dark Souls. Tout ce sur quoi, non je parle de Godfall, tout ce sur quoi jouait en fait le trailer et la présentation en fait, mais ça n'existait pas quoi. Par contre le système de combat et de loot était vraiment plutôt sympa. Voilà. C'est déjà ça de prix. Ensuite, mon petit Lolo. Toujours pour parler de ce Gran Turismo 7, je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'était quand ? C'était sur le site Eurogamer, donc c'était il y a 5 mois, donc en septembre 2021. Il y avait un journaliste d'Eurogamer qui avait posé une vraie question, qui avait demandé donc à Kazunori Yamoshi, le créateur des Gran Turismo, il avait posé la question, il lui avait dit une dernière question concernant certains des détails les plus fins. Allez-vous implémenter l'AVR dans tous les domaines cette fois-ci, par opposition au cas limité disponible dans Gran Turismo Sport ? Et Yamoshi avait répondu, donc concernant le PSVR, nous ne sommes pas encore à un stade où nous pouvons en parler, ce qui veut dire qu'il existe. Je ne sais pas comment vous comprenez cette phrase. Oui, bon, de toute façon, c'est ce qu'on disait. Ça reste un secret de polichinelle. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'ils lui ont déjà fait savoir que, on voulait le jeu complet, quoi. On ne voulait pas avoir des petits morceaux, une petite course de cartes, alors qu'à côté, tu as 400 bagnoles. Ça ferait chier. Non, mais avec les graphismes qu'on a vus, là, de toute façon, hier dans le State of Play, on est d'accord que c'est la version VR qui nous... C'est la version VR, ouais. Oh, ça ouais, troll. La dernière partie du State of Play, il pourrait faire penser à une vue cockpit en VR. Ouais. Vous abusez un petit peu. Moi, franchement, j'ai adoré ces ombres qui pop en plein milieu de l'écran, en plus en plein milieu du trailer qui a été quand même contrôlé, je pense, avant la diffusion. Je trouve ça hallucinant qu'il laisse passer ce genre de choses. Les portes, la portée des ombres, des ombrages de feuillage qui changent complètement. De moins foncé à plus foncé en fonction de l'angle. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clipping de fou. Il y a quand même pas mal de soucis techniques là-dessus. Mais bon, après voilà. Des textures basse résolution. On a toujours été habitué quand même dans Gran Turismo à se dégrader en fait entre le design des voitures, voire même de certaines voitures, et l'environnement qu'il y a autour, le reste des décors, même les animations des persos, etc. Quand il y en avait. Donc du coup, ça reste assez classique. C'est pas non plus l'intérêt premier de Gran Turismo, mais c'est vrai que putain, il y a des trucs, on se demande comment ça a pu passer. Mais je crois que c'est depuis dans le trailer. C'est depuis Gran Turismo 5 qu'il y a deux catégories de bagnoles dans la modélisation des voitures dans Gran Turismo. T'as les voitures premium, c'est-à-dire que celles qui sont vraiment modélisées au poil de cul, il n'y a pas de souci. Et les voitures classiques, par exemple la voiture que tu vas acheter en début de jeu d'occasion, ça va pas être forcément la voiture la mieux modélisée du jeu. Et c'est su, c'est connu et c'est fait depuis plusieurs opus de la série. Je me souviens de Gran Turismo 5 où c'était carrément pour la modélisation, ils avaient utilisé des voitures majorettes. Et dans les accidents, quand ta voiture elle se retournait, tu voyais le logo majorette sur certaines d'entre elles. Et ça avait fait un petit c'était peu scandale. C'était un easter egg. C'était un petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil, voilà. Et je suis sûr qu'avec ce Gran Turismo là, c'est exactement la même chose. Mais par contre, je trouve ça bizarre que sur un trailer où il montre du gameplay, c'est quand même c'est pas un reveal, mais tu vois, c'est une démo technique. Préparé. Il te montre en gros plan des ombres qui foirent. Et des textures sur les carrosseries, de l'aliasing sur les carrosseries, et des textures qui sont ultra pixelisées, quoi. On avait arrangé pour qu'on voit bien. Vous voyez, c'est de la merde. Hein. On vous a pas menti. Hein. Donc c'est pour ça, on se dit, est-ce que c'est la version VR en fait ? Est-ce que c'est un teasing de fou et que franchement, on a rien compris ? Parce que c'est vrai que si ça a l'air d'être de la merde, c'est forcément VR. T'as compris ce que je voulais dire. Oui. On avait eu le problème aussi sur le premier trailer de Reveal, où justement on voyait l'apparition, un clipping assez net des ombres et des flèches qui annonçaient le virage à l'approche du virage. Donc dans le tout premier trailer de Reveal, déjà on avait ce souci là. Donc bon, écoute, après voilà, comme on dit, ça reste un jeu de bagnole. C'est fait pour aller vite, c'est fait pour que tu sois concentré sur le circuit, pas forcément sur le reste de la route. Non, en fait, ça reste pas la priorité du truc non plus, mais bon, c'est vrai qu'on est obligé de mettre le doigt dessus parce que on a fait comme tout le monde, on a regardé le trailer, on l'a décortiqué, on l'a maté en 4K, on l'a regardé de près, de loin, au ralenti. Voilà, donc forcément. Ouais. En fait, c'est un hommage pour les 25 ans de la série sur PlayStation et on a juste pas compris. Tout simplement. C'est le démake. C'est le voilà. Non, après, au-delà de ça, c'est vraiment une simulation ultra pointue. Je veux dire, tout ce qui est météorologique, tout ce qui est. J'avoue, la gestion de la pluie sur le circuit, c'est assez impressionnant. L'aérodynamique. Je me demande même si c'est pas une première. Hein. Moi, j'ai jamais vu ça nulle part en tout cas. Première. Avec la pluie qui sèche sur la route en fonction du passage des voitures et tout. Je ne me souviens pas que ça existait déjà dans un jeu de simu de course quoi. Et tout ce qui est aussi humidité de l'atmosphère. Enfin, je veux dire, il y a des paramètres justement. Avec la création des nuages. Il y a des paramètres, je pense. Et l'hydrométrie sur la route aussi, ça va jouer là-dessus. Je pense que la majorité des joueurs ne vont pas se rendre compte justement du travail qu'il y a eu là-dessus. Des petites subtilités. Et je pense que justement la DualSense aussi va, avec les retours haptiques, va justement apporter un peu de sensibilité sur le gameplay. Ça, ils ont parlé de la gestion du blocage des roues quand tu freines. Par exemple. De l'ABS. Après, il va y avoir sûrement le survirage, le sous-virage qui va être. L'adhérence. C'est ça. Du coup. Après, il n'y a pas que des mauvais points. Enfin, je veux dire, parle d'un point de vue purement technique, c'est pour ça. On troll exactement. Mais c'est vrai, comme tu dis, il y a des très bons points. Enfin, même l'aspect muséum historique, enfin, il y a quand même 400 bagnoles qui, si elles sont toutes modélisées de l'intérieur, c'est pareil. Voilà, t'as quand même cet aspect encore plus simu vu cockpit. Et puis la possibilité avec le mode photo. Enfin, c'est un jeu qui va un peu avec la collectionnite. C'est aussi fait pour ceux qui aiment les bagnoles, ceux qui aiment les belles bagnoles, les mettre en valeur, voilà, se faire des petites photos, des fonds d'écran, des impressions, des délires comme ça, quoi. Il y avait un autre truc aussi à l'époque de Gran Turismo 5. Les voitures premium avaient une modélisation du cockpit et t'avais une vue cockpit. Les voitures normales n'en avaient pas. C'est possible qu'ils aient continué comme ça. Ou après, peut-être qu'ils se sont servis de leurs anciennes bases de données aussi pour les réintégrer. Sur PSVR 2, voilà, le cockpit, tu l'auras pas. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, effectivement. Est-ce que le jeu est prêt à être annoncé en VR Là, c'est que de la supposition. Pour l'instant, on peut dire qu'il n'est pas prêt puisqu'il n'est pas annoncé. Tout simplement. Dans tous les cas, officiellement, il n'est pas prêt, quoi. Le PSVR 2, il peut débouler demain. Mercredi, jeudi. Ouais, donc la semaine prochaine. Est-ce que tu as des informations dont tu n'es pas sûr, Laurent? Parce que attention, j'ai plein d'informations. De mes sources non confirmées qui m'ont dit que c'était pas sûr, mais ils m'ont dit que tu diras à ta femme qu'elle arrête de dire des conneries, s'il te plaît. cette nuit c'est pas confirmé, mais cette nuit. Ok, voilà. Et là j'ai fait le tour, y a rien d'autre en news. Mais c'était un joli tour, Laurent. Tu nous as fait voyager. Je cherche. Alors, mais j'en ai pas trop parlé. Mais j'ai retrouvé ça avec les captures que je fais sur la Twittosphère et tout. Et il y a un jeu. Alors c'est pareil, c'est pas une news, c'est une rumeur. C'est sur un jeu qui s'appelle Madison. Peut-être que tu connais ça. C'est sorti apparemment il y a un peu plus d'un an. Madison. Sur PC. Madison. J'attends juste Madison Beer en VR, le reste, je ne connais pas. Elle arrive. C'est pas la même, mais elle arrive, t'inquiète. Elle a un si joli nom de famille. Voilà, Beer. Voilà, ça nous rappelle nos petits problèmes personnels. Bon, pour toi, hein. Toi, t'es passé à l'étape du dessus, c'est plus un problème. C'est plus un problème, moi. C'est de la vodka, ça, tu vois. Non, je déconne. Ah, oui. C'est pour ça. Ah, bon, là. À ta santé. Salut. C'est bien, c'est très audio tout ce qu'on fait, c'est bien. Exactement. Donc des bruits de glaçons. Voilà. Donc voilà, c'est un jeu Madison, c'est un FPS, un jeu d'horreur psychologique FPS, comme il y en a beaucoup, voilà, un peu Walking Simulator, on résout des énigmes, on avance, voilà, et on est poursuivi par des genres de spectres, des monstres, des démons. Voilà. Et en fait, c'est le studio Blue Deuce Games qui s'occupe du jeu. Ils ont annoncé récemment que, courant janvier, ils ont annoncé qu'ils allaient porter le jeu avec l'éditeur de jeux physique Perp Games. Et il y a quelques temps, sur sa page Steam, dans le chat, il y a quelqu'un qui a posé la question, oui, ce serait quand même super que ce jeu arrive en VR. Et il me semble que le développeur avait dit, bon, si vraiment vous demandez, on verra ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup de gens, apparemment, la communauté VR l'a réclamé. Et quand le développeur, voilà, il a annoncé son partenariat avec Bird Games, ils ont dit, oui, nous sommes contents, blablabla, voilà, de porter notre jeu en physique grâce à l'éditeur. Et nous sommes, voilà, on va dire, contents de dire que ce sera la version la plus horrifique, celle que les joueurs ont demandé. Donc c'est juste cette phrase, voilà, c'est qui a été tweetée. Voilà, la version la plus horrifique demandée par les joueurs arrivera. Donc, on se raccroche un petit peu aux branches de l'espoir, quoi, sur ce truc-là. Mais j'ai envie d'y croire aussi. Hein. Et déjà, une petite question, Madison. Là, j'ai pas d'image devant les yeux. J'en aurai certainement dans la vidéo. C'est pas un jeu qui a commencé à être développé il y a 5 ou 6 ans et qui avait été annulé puis repris avec un appartement par exemple qui est très très réaliste avec des graphismes très très réalistes moderne, est-ce que c'est ça? C'est avec des graphismes très réalistes, ouais, oui c'est ça, et super moderne, et genre t'avais l'image d'une femme, c'était pas une démo technique, non en fait au départ c'était une démo technique, en fait c'était des développeurs qui avaient été déçus par l'annulation de P.T. De Kojima et qui est de Konami, et donc du coup ils ont voulu faire un jeu dans ce genre là avec des graphismes ultra réalistes et par une espèce de femme fantomatique qui te coursait dedans. Ouais, il semblait que ça avait été annulé justement, donc ça a été repris, alors c'est bien. Oui, ça a été repris et ça rappelle énormément parce que t'as le même décor, déplacement. Dans Pity où c'était simplement un couloir où tu voyais, où tu avançais dans le couloir, il y avait des portes qui étaient fermées dans l'appartement, qui s'ouvraient au fur et à mesure, et tu passais une porte de sortie, et à chaque fois, la porte de sortie te ramenait à la porte d'entrée de l'appartement. Et à chaque fois, le décor commençait à partir en freestyle, c'était vraiment c'était un décor chaotique, quoi. Oui, Madison s'est vachement inspiré de ça, mais il s'est aussi inspiré de Resident Evil 7 dans la partie où t'es dans le genre de sous-bassement un peu inondé et que t'as un crâne qui surgit de la flotte dans l'intro, ouais. Et voilà, et c'est aussi inspiré de ça, donc je pense qu'il y a énormément de codes qui sont repris, et donc oui, Madison, alors je me suis pas renseigné plus que ça, mais surtout que quand c'est au stade de rumeur, faut se méfier. On va dire, voilà, faut vraiment faut se méfier. Et entre ce que les développeurs ont envie de faire et ce qu'ils font réellement, par exemple, il y avait Visage qui était sorti sur PC et sur console, où les développeurs avaient vraiment une envie de faire une version VR de leur truc, dans le même genre, horrifique, avec des corps ultra réalistes et des fantômes qui te coursent, et une ambiance vraiment géniale. J'avais commencé en plat. Mais finalement, en tout cas pour le moment, le jeu n'est jamais sorti en réalité virtuelle, et c'est dommage parce qu'il s'y prêterait vraiment. C'est un jeu d'ambiance, c'est un jeu même en plat, tu flippes un petit peu, oui, une nana qui ressemble un peu à la fille qui sort de la télé, là, Sadako. À Sadako, dans Ring. Et t'as ça, mais t'as surtout un travail sur les sons, sur les lumières qui se coupent, sur les craquements, sur à ce niveau-là, c'est vrai, il est vraiment très très bon ce jeu. Mais justement, le design, il est terrible. Il voulait faire ça en VR, et pour le moment, il n'y a pas de nouvelles en tout cas pour le moment. Donc c'est un peu dommage. Donc je pense que Madison risque d'être un petit peu avoir le même traitement comme Visage. Et puis aussi, alors je me souviens plus du jeu dont j'avais parlé. C'était pareil, un jeu d'horreur. Alors attends, je retourne sur Tu nous en avais parlé il y a un mois et demi, je crois. C'était avec un petit garçon qui te coursait, non? Un petit garçon bien dégueulasse. C'était Do Not Open, voilà. Et que c'était PS4, PS5, et justement que c'était un petit peu bizarre qu'il y avait de fortes, enfin pas du teasing, mais c'est pareil, c'est de la rumeur ou alors du rêve, du fantasme, comme quoi ce serait un jeu qui serait potentiellement portable sur PSVR 2. Ah oui, c'est parce qu'il y a la version PSVR qui va sortir de ce jeu-là. Donc vu que ça sort sur PS5, On se dit, est-ce qu'il va y avoir en soi une rétrocompatibilité ou alors une version dédiée avec toutes les specs, toutes les features du PSVR 2. Est-ce qu'il y aura une version comme ça de prévue? Et Madison, en fait, tourne autour de ce fantasme-là d'avoir des petits jeux indépendants sur PSVR 2, quoi. Donc voilà, j'en avais pas beaucoup parlé, j'avoue, sur le Discord entre nous, mais je suis retombé sur la news, enfin la rumeur. Et puis voilà, hein, comme c'est dans le thème. T'as bien fait. Des infos. c'est la tendance des infos pas sérieuses, des rumeurs non confirmées. Vous en voulez une autre de non confirmé là? Allez, vas-y, balance. Roberto Serrano, donc c'est un insider italien, je crois, qui balance pas mal de trucs, PlayStation en fait. Alors des fois il se trompe, des fois il a raison. Là il vient de balancer une phrase. Ça fait sérieux direct. Ce mois-ci, vous ne vous sentirez jamais abandonné grâce aux nouvelles annonces de Sony. Donc le truc qui voilà ce qu'on bouffe en ce moment. Mais ça serait pas un teaser de Abandoned? Jamais abandonné, Sony, Abandoned. Ouais, mais tout le monde s'en fout de celui-là, on l'a tous oublié déjà. Qui lui est un teaser en fait d'un Silent Hill, mais qui s'en serait pas vraiment un. Oui. Ouais, c'est ça. Voilà. Kojima a retweeté d'ailleurs, mais sans vraiment avoir de lien avec. Voilà. Ça me fatigue. Coïncidence ? Ça me fatigue. Oui. Ça me fatigue tous ces trucs. Disons que c'est long, c'est chiant. C'est rigolo, hein, le teasing. C'est vachement rigolo. Mais nous, on rigole. Non, mais c'était rigolo quand c'était maîtrisé il y a 10 ans. Quoi. Ouais. Maintenant, c'est systématique. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça, en fait. Et que là, en ce moment, on n'a rien à bouffer à part du teasing. Du teasing, quoi. Super. On va même arriver à un point où on va fabriquer nos propres news bientôt, tellement on n'a rien à dire. On pourrait. Il y en a qui le font déjà. Voilà. Il faudrait qu'on fasse un concept. Tiens, ouais, ça, ouais, on invente nos news. Là, ce serait marrant, ça. En fait, suffit de trouver. En fait, tu te fais un compte sur Twitter. Tu te fais un compte. Tu mets que des trucs en anglais. Parce que si tu les mets en français, ça fait pas sérieux. Tu les mets en anglais. Personne t'écoute. Personne t'écoute quand tu es en français. Et tu sais, tu balances comme ça des rumeurs comme ça. Et normalement, après, t'es repris par la presse française. Et puis après, tu trouves un super nom. Je sais pas, John McCain. John McCain, qui travaille dans un... Avec Roberto Serrano, on est impeccable. Voilà. McCain, Serrano, ouais, c'est bon, en plus jambon frites. La base. Voilà. Non, mais et, tu vois, il faut faire ça. Bienvenue dans ce podcast de VR, les gars. Voilà. De toute façon, les jeux de cuisine en VR, c'est ce que vous préférez. On va parler de top vente, on l'a vu. C'est ça. Et l'autre petite nouvelle, par contre, elle qui est tout à fait vraie, c'est que Naughty Dog viennent de publier à l'instant là des offres d'emploi. Ils sont à la recherche de 70 développeurs. Naughty Dog ou London Studio? Naughty Dog. Naughty Dog. Parce que London Studio vient de faire la même chose il y a à peu près 5 heures. Ouais, aujourd'hui. Et là, Naughty Dog embauche 70 personnes. Allez, vas-y, tac. Ouais. Et pourquoi? Quel projet? Il y a eu du licenciement Je ne sais pas. Dans l'animation, l'art, l'audio, communication, éditorial, game tout design, lightning et visual effect, production, programming, quality, technical art. Non, mais il y a 70 personnes dans tous les domaines, en fait. C'est intéressant, ça. Peut-être pour leur prochaine licence. Oui, c'est ça. Mais ça peut être du plat aussi. Hein. Ah oui. Ouais, parce que c'est pareil, on va pas non plus revenir sur le rachat sur le rachat de Bungie. C'est pour ça que j'ai dit leur prochaine licence. On va pas revenir sur le rachat de Bungie de Sony. On a déjà suffisamment parlé il y a 2 semaines, je pense, de tous ces trucs là. Ouais, moi je suis content, on va avoir Halo sur PlayStation 5. Non, donc non. Ouais. Il y en a qui le croient. C'est les raccourcis. Putain, allez, sur le compte anglais, Majo, mec, va y avoir Destiny 3, ça va être un jeu VR. Ah, sur PSVR 2. Mais ça, très bien. Je tweeterai. Tu tweeteras. Ok, ça marche. Comme ça, on pourra. Tu commences par d'après nos sources. Voilà. Ouais, bien sûr. D'après un insider. Tu trouves un nom qui claque. Parce que. Hein. Ouais. Okay. Qui cherche à garder l'anonymat, tu vois, tu brodes, hein, tu brodes tout autour. Voilà. Je vais trouver. Peut-être faut créer la légende un peu parce que sinon c'est pas crédible. Ok, ça marche. Eh ben, écoutez, messieurs, je pense qu'on va du coup pouvoir passer au test. Alors juste puisqu'on parle des news justement, excuse-moi, je voulais juste en parler parce que je pense que c'est le bon moment pour le caler. Puisqu'on parle des news qu'on n'a pas en fait, ben même quand on a des news, elles sortent pas. Donc on a découvert qu'il y avait un nouveau jeu qui était sorti sur le PS Store le 29 janvier. encore une fois, dans l'ignorance la plus totale. Mais tout le monde s'en fout. Les mecs qui veulent le PSVR 2. Bah c'est ça, non, le PSVR, ton jeu de dragon, mais tout le monde s'en branle. Ça s'appelle Dragon Ride VR, donc ça coûte 20 balles quand même. Ouais. Et c'est une simulation de chevauchement, de, je sais pas si ça se dit, de chevaucher de dragon. De chevauchage De chevauchade. Ouais, non, de chevauchisation. Chevauchade. Bon, chevauchisation. En gros, on est sur le dos d'un dragon. Et puis, devenez un Targaryen. Alors attends, chevauchage c'est sur un cheval, mais sur un dragon, du coup c'est un dragonnage. Un dragonnage. Ah oui, c'est pas faux. Ah ouais, c'est du coup ça fait sens, Dragon ça, Edge. Dragon du coup, Age. Ça fait Dragon Edge. Donc putain, c'est le prochain Dragon Edge en VR. Exactement. Donc, je pense qu'ils ont, je pense qu'ils essayent de teaser quelque chose. Ah ça va, c'est sérieux. Hein. Selon les sources d'un développeur licencié. Majo, rajoute-moi Dragon Edge 3 en VR. Bah ouais. Sur PSVR 2. Attends, on fait nos courses, là, c'est bien. T'sais. On le faut compte, impeccable. Ah, c'est parfait. Donc non, ouais, plus sérieusement, ça s'appelle Dragon Ride VR. Donc c'est un jeu de voilà, où on est à d'autres dragons. Ça me fait un peu penser à un roller coaster. Mais en plus libre pour le coup, puisque on peut se balader un peu partout. Mais quand je parle de roller coaster, c'est parce qu'il y a des cibles à shooter. Donc c'est des ballons. C'est quoi les cibles? Il y a des ennemis aussi un peu plus loin qui te tirent dessus d'ailleurs aussi. Enfin, il y a d'autres dragons qui se baladent. T'as des quêtes de récupération d'œufs de dragons. Voilà. Ça a pas l'air extraordinaire en termes de gameplay. Après, bon, moi j'allais dire, je l'ai pas essayé. Mais par contre, ça a le mérite d'être plutôt joli. Et les dragons. C'est beau de loin. La modélisation des dragons et les animations sont aussi plutôt bien faites, je trouve. Alors après, bon, heureusement, parce que ça reste quand même le gameplay de base du jeu. Mais voilà. Pour 20 balles. Ça reste assez chéros pour une fin de vie de PSVR et puis un jeu voilà, qui a l'air assez limité dans son gameplay. Mais donc si tu l'as essayé, vas-y, dis-nous-en un peu plus parce que... Bah, moi, en fait, tu l'as très bien décrit parce que j'aurais pas grand-chose à dire de plus dessus. C'est un jeu que j'ai essayé au début quand il était sorti il y a bien longtemps sur PC. Roller coaster, oui, parce que en fait t'as plusieurs modes de jeu où t'as déplacement libre et un autre mode de jeu où t'as un circuit qui est pré-programmé, où tu t'occupes pas des contrôles, tu t'occupes juste de tirer dans des ballons ou dans d'autres trucs, avec des fois des bonnes sensations, faut bien le dire, même si graphiquement, comme tu disais, il a l'air plutôt joli, mais en fait il est joli de loin, quoi. Faut pas vraiment s'attarder aux détails. Il est pas ouf quand même. Mais des fois des bonnes sur sensations. Sur PC, hein, sur PC. Et sur PC en plus. Mais bon, version vraiment early. Et je me souviens d'un passage par exemple où t'as un espèce de château, t'es entouré de falaises avec des cascades et à un moment en fait ton dragon il pique comme ça vers le sol et puis il passe sous une cascade comme ça. Il y avait plutôt des bonnes sensations à ce moment-là. Mais à 20 balles. Sur un jeu aussi ancien, après, à moins qu'ils aient rajouté vraiment beaucoup de contenu depuis, à voir. Pas le jeu du siècle, à mon avis, mais. Non, voilà. Après, je voulais juste en parler parce que voilà, c'est sorti vraiment dans l'indifférence la plus totale et je suis tombé dessus par hasard sur Twitter aujourd'hui parce que les mecs en fait faisaient la promo en remerciant les gens qui les avaient soutenus pour la sortie, pour la communication, d'avoir partagé tout ça. J'étais là, wouhou! Bah, ouais, parce qu'ils ont pas été super efficaces. Il avait 3 cœurs sur Twitter. Ouais, mais bon, après il faut bien démarrer quelque part, mais bon. Mais encore, non, mais mettez-vous à la place des studios, vous imaginez, les mecs ils sont fous de lancer un truc maintenant, quoi. Bon, après, c'est un vieux jeu qui est sorti sur PC plus d'un an. Ouais. Mais bon, enfin, encore, je me répète, mais c'est toujours pareil, c'est dans l'indifférence, quoi. Ça reste très discret, et même le mec il doit être un peu dégoûté, quoi, d'être sur une plateforme, il a pas de communication, il a pas d'aide, il a rien. Bon, après. Si on le met en avant, les gens vont dire oui, c'est encore une expérience, ça va râler de toute façon, mais bon, voilà, il y a quand même un jeu qui est sorti sur le PSVR dans l'indifférence. Je trouvais que c'était bien de le mentionner et d'en parler. Ouais. C'est Dragon VR ou Dragon Ride VR ? C'est Dragon Ride VR. Dragon Ride VR, parce qu'il y a aussi un Dragon VR qui est sorti aussi sur PC, qui est un jeu de gestion, et donc là c'est bien Dragon Ride, et donc c'est bien celui que j'avais essayé, qui a des évaluations plutôt positives sur. Sur Steam, qui est sorti le 2 août 2020. Il est à 12,49 balles sur Steam. Ouais, avec la conversion PlayStation, c'est ça, hein. C'est ça. C'est ça. Bon, bah après, voilà, ça fait toujours un jeu de plus. C'est pas honteux non plus, hein, comme, bah, comme surtout jeu. Que j'essaye non, de le trouver sur le store, c'est impossible de le trouver. La réal est pas mal, hein. Mmh. Mais bon, après, voilà, c'est le gameplay. Et le, c'est, ça reste très limité, je trouve, sur le long terme, quoi. Un petit jeu à sensation, en tout cas. Moi, j'ai vu un Pirate Flight à Dodo Dragon, en fait, moi. Mmh, ouais. Tu pètes des ballons. Oui, c'est un peu ça, oui. Après, t'as, t'as des histoires de slalom, méchants, tu dois passer entre des anneaux, tout ça. Donc, oui, oui. C'est, puis c'est, en plus, ce qui est dingue quand tu es sur le dos d'un dragon, c'est que tu vois même pas ton dragon, en fait. Si, tu vois la sa croupe. Bah, la tête, tu ouais. vois. Alors, le tu vois sa croupe. Ah. T'as pas un mode à la troisième personne aussi? Je sais pas, je sais plus. Il me semble. Si si, mais tu vois la tête du dragon. Enfin, tu vois son dos, mais il me semble. Alors ou alors c'est peut-être que la version PC, mais il me semble avoir vu un mode à la troisième personne aussi. Peut-être. Faudrait que je le relance en fait. Donc non non, mais je confirme, il y a un mode à la troisième personne. Bon, en même temps, j'ai jamais rêvé de voler sur un dos de dragon, donc. Parce que t'es pas un rêveur, t'as perdu tes rêves d'enfant, c'est pour ça, Laurent. Toi, tu préfères buter des zombies. On le sait. Ouais, j'aime bien ça. J'aime voilà. bien. Tuer les zombies. Voilà. On va pas parler de Zenith. Non. Le jeu événement du PSVR et qui est sorti sur PC aussi. Donc c'est un MMORPG parce que je me le suis procuré que ce midi. Je l'ai testé une demi-heure pour le moment. Donc j'ai pas grand-chose à dire dessus. Si ce n'est que le menu est superbe. Le menu est pas ouf en plus. Le menu et le tuto sont superbes. Le tuto est très classique, très MMO à l'ancienne. Mais j'ai pas été désagréablement surpris. Il y aura des choses à dire, mais bon, quand on aura un petit peu plus d'heures de jeu dessus. Donc voilà, on va pas parler. Si on peut faire juste un premier bilan de ce qu'on en a vu et entendu, c'est que les serveurs sont pleins. Donc deux choses à retenir de ça, c'est que le succès est au rendez-vous déjà premièrement, et deuxièmement, que les devs n'ont pas prévu assez de serveurs pour le coup, donc c'est un peu la galère pour s'y connecter. Non, plus maintenant. Ah bon, ils ont pas prévu assez de code non plus. Ils ont. Du coup, ouais. Du coup, c'était pour la première les 3 ou 4 premiers jours de lancement, c'était le cas en tout cas, ou pour la première semaine. Donc, c'est les premiers retours qu'on en a eu. Alors après, maintenant, si tu dis qu'il y a plus, soit il y a plus de serveurs, soit il y a moins de monde, je sais pas. Mais moi, j'ai créé mon perso. J'ai créé mon perso ce midi. C'était pété à chier de serveurs, ou même des serveurs où il y avait personne dedans. Donc non. C'est peut-être calmé pour le coup. Peut-être que les gens ont essayé, sont ok, une heure et puis. Ça peut-être aussi, que les gens se jouent tous au Dragon Dragon Age. Dragon Ride. VR. très positive la critique sur Steam. Donc. Donc voilà, et de ce qu'on entend un petit peu à droite à gauche, le jeu a l'air plutôt cool, donc on vous en dira un petit peu plus tard. Un jeu qu'on a essayé, cependant... Une petite parenthèse, vous avez vu comme Samsung et Google se vous commencez, vous commencez à me faire chier tous, niquer mes transitions. Ah, vas-y, ce soir, là. C'est l'indiscipline. Voilà. Oui, Laurent, on t'écoute. Vous avez vu que comme Samsung et Google sont en train de se renifler l'arrière-train en ce moment? Non. Il se tourne autour là, vous avez pas vu les nouveaux téléphones Samsung avec des grosses pubs Google, il y a des petits rapprochements quand même, c'était juste un petit, c'est une parenthèse que je voulais dire, mais ces deux là sont en train de se rapprocher correctement. Quoi. D'accord, et le rapprochement Nissan Toyota, t'en penses quoi? Non, parce que ça va t'intéresser ces trucs là. Il existe pas Nissan Toyota? Ah non, mais je sais pas, c'est Renault Nissan. Renault Nissan, ouais, parce que ouais, c'est important aussi pour la VR. Ce premier degré. C'est ça. Mais Samsung, ils font des casques. Google, ouais. Ils font des casques aussi. Et ils ont Stadia. Donc peut-être que, je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé ça drôle qu'il y ait des pubs de Google dans Samsung. J'ai trouvé ça marrant. Bien. Fais gaffe, ça, même en déconnant, tu vas le lancer sur un autre sujet. J'ai très peur. Je le connais, donc je devrais me méfier, mais tu vois, je vais encore avoir. Bon, et si on parlait plutôt de la véritable star de la semaine dernière, voilà, s'il vous du plaît. PSVR, quoi. Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut parler de jeu? Est-ce qu'on peut parler de Wanderer? Est-ce que vous y avez joué, les loulous? Oui. Non. Bah non, et forcément, toi, tu parles de Samsung et de Google. les jeux, toi, ça te dépasse, c'est sûr. Hein. Nissan, Toyota, tout ça. Nissan, Toyota, voilà. Je l'ai installé, mais je l'ai pas lancé encore. D'accord. Oh. Ah oui, parce que t'as commencé à le téléchargement il y a une semaine, non, c'est ça? Oui, il y a de ça déjà. Et puis il y a le boîtier. Il y a le boîtier. Il y a le boîtier de mon PSVR qui fait un boucan d'aspirateur, donc il me fatigue un peu en fait. Ouais. Ah ouais? L'hélice, elle tourne, je sais pas, ça fait vraiment un bruit de dingue, quoi. Rachète-en un, ils ont refait les stocks à la Fnac à 200 balles. Ah, mais attends, 200 balles. Ah non, mais attendez, moi je garde mes sous pour le PSVR 2, hein, je vais pas acheter un nouveau boîtier. Non, ouais. Le casque complet. Tu le revendras à 1500€ dans 10 ans. Collector. Non. Mais mon casque, il est bien, il est nickel, mon casque. C'est un boîtier de con là qui marche plus. En plus, si t'es malin, tu peux le revendre. C'est une V2 du PlayStation VR 1, donc je suis sûr que tu peux le revendre à 2-3 pigeons pour 500 balles en guise de PSVR 2. Sans trop tricher, tu vois. On le dédicace. On met une dédicace et on le met sur eBay à 10 000$. Tu le dédicaces vers Far Player, t'es sûr? T'es sûr que ça va se vendre, ça? Ah, je crois que tu vas perdre 200 balles sur tu vas perdre 200 balles. Ouais, il y a des chances. Ok. Donc, Wanderer. Et donc, Wanderer. Donc, Wanderer. Tiens, bah, Maggio, tu fais le malin au tableau. Alors, qu'est-ce que c'est, Wanderer? Oui, j'arrive. Wanderer, alors, c'est développé par. J'ai déjà oublié. M-Theory et Oddboy. M-Theory, voilà, à ne pas confondre avec Maze Theory, putain. À chaque fois, je mélange. Donc, M-Theory et Oddboy. Donc, bah, c'est un jeu. D'énigmes, un puzzle game sur une thématique assez similaire à celle de comment il s'appelle, Maskmaker. Où on avait justement ce changement de plan et d'environnement en fonction de des masques qu'on mettait. Donc là c'est un peu la même chose, sauf que c'est avec une espèce de montre on va dire un peu technologiquement très avancée et qui va nous permettre de voyager dans le temps en fonction des objets qu'on va trouver et qui vont émettre une espèce d'énergie un peu particulière et qui va nous permettre d'arriver à un certain endroit à une certaine époque. Et puis il va falloir interagir avec pas mal d'éléments du décor. Alors au début c'est très, très scénarisé, très contemplatif. On est sur un rail en gros avec une personne qui nous explique un peu l'histoire de pourquoi on est là et qu'est-ce que devient le monde en gros. On rencontre une faction visiblement qu'on connaît pas, où ça il y a des relations qui sont un peu tendues, puisqu'on menace de se faire bouffer par des crocos à la fin de l'entrevue. Donc bon, c'est qu'il y a un peu d'animosité entre les deux, un peu léger. Et puis surtout le plus gros problème, alors qui visiblement n'existe pas chez tout le monde, mais c'est que le jeu est full anglais, ça faut le dire directement. Mais nous les versions qu'on a, donc c'est des versions développeurs, sont non sous-titrées. Et il n'y a pas d'option de sous-titres en fait dans le jeu, mais c'est notamment sur la chaîne de Perp Games, donc qui est l'éditeur de la version physique de Wanderer, où ils ont mis justement une vidéo de démo je crois que c'est la première demi-heure du jeu, donc justement la petite partie tutoriel très dirigiste, où là ils ont plusieurs options en fait, ils ont beaucoup plus d'options que nous, notamment avec une représentation du move pour les contrôles et entre autres justement la possibilité de sélectionner les sous-titres, parce que il faut quand même savoir que le jeu est très bavard. Il y a quand même un background qui est très intéressant, enfin qui a l'air très intéressant, parce que moi c'est pareil, je pipe pas toute l'histoire. Loin de là, je comprends quand même les grandes lignes, je comprends certains mots pour savoir où est-ce qu'il faut aller et quelles sont les pièces ou les on va dire le principal fil conducteur de ce qu'il faut suivre pour pouvoir résoudre l'énigme. Mais par contre, pour tout ce qui est histoire et toutes les petites notions à connaître, j'avoue que c'est très très compliqué. Donc les sous-titres pourraient vraiment être un plus. D'avoir en plus la lecture, en plus de l'audio en fait, avoir la lecture, parce que là le fait que d'avoir que l'audio plus l'accent plus en plus ce qui nous parle souvent c'est la petite montre, donc qui a une voix un petit peu étouffée, un peu robotique. C'est pas forcément ça le problème, c'est pas forcément qu'elle a une voix étouffée, c'est qu'elle a un accent très très C'est les accents très elle articule pas, c'est déjà si tu veux naturellement une voix qui parle normalement anglais, mais en plus tu rajoutes à ça le petit filtre robotique si tu veux, parce que c'est une montre, un objet mécanique qui te parle, enfin après tu parles, t'as peut-être une meilleure audition anglo-saxonne que moi, mais Non, pas là-dessus, pas moi, sur ce jeu en tout cas. Moi, j'avoue que ça me pose un peu problème. Alors, j'arrive voilà à comprendre les grandes lignes. C'est son grand-père qui a créé la montre, si j'ai bien compris. Voilà, qui a fait tout ce genre de choses, qui a voyagé avant lui. Mais bon, il a disparu. On ne sait pas trop où il est. Je vais pas trop en dévoiler non plus. Mais c'est vrai qu'il y a, plein, je pense, de petits détails qu'on n'a pas, notamment en voyageant d'une époque à une autre, en fonction de ce que les personnages peuvent te raconter. Donc voilà, ça c'est le plus gros défaut du jeu, et c'est vraiment dommage. Alors encore une fois, est-ce que c'est nos versions à nous qui sont comme ça? Moi j'avoue, j'ai acheté la version boîte, donc je l'ai reçue, je ne l'ai pas encore déballée, il faudrait que je l'installe, mais j'aurais aimé le finir avant. Mais bon. Voilà, aujourd'hui on en est là. Alors le jeu est un peu lourd, il pèse. Alors ça aussi, je trouvais ça bizarre, il pèse 21 Go dans la version qu'on nous a envoyée. Et quand tu achètes sur la version boîte, il y a marqué 11 Go derrière la boîte. Donc je pense que c'est la même version, mais je trouve bizarre cet écart de 10 Go entre les deux. Est-ce qu'il y a un patch à télécharger en plus, peut-être Day One pour la PS4 Pro, je sais pas, il est optimisé PS4 Pro aussi, à préciser. Et puis après, pour le reste, il est plutôt beau. Alors, dans sa première partie, dans la partie très ouverte, donc là où c'est un peu la zone de couloir scénarisée du début, la partie Last of Us, en fait. Exactement. Il y a quand même, il y a quand même pas mal de choses qui piquent un peu les yeux. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un peu d'aliasing. Il n'est pas flou, par contre. Il y a quand même un peu d'aliasing. Il y a du clipping aussi sur certaines ombres et textures, notamment au niveau des fenêtres. Mais par contre, dès qu'on arrive dans les zones intérieures, notamment l'appartement. Dans l'appartement du départ, donc là, on est sur quelque chose qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qualitatif. Voilà. En termes de décor, de texture. Alors tout n'est pas parfait, notamment comme je disais, les textures de bois, tout ce qui est mobilier, bois. Là on est sur quelque chose d'assez grossier. Et des fois ça dénote totalement. Donc pareil, au début du jeu, on va passer dans un espèce de couloir où il n'y a rien. Hormis une commode et. Une commode et. Et comment dirais-je, une. Une mince, qu'on appelle ça, un buste, un espèce de buste en marbre. Ah oui. Et le buste est magnifique, mais vraiment super détaillé, très net, très fin. Et le meuble sur lequel il est posé est dégueulasse. Et en fait, tu vois le contraste entre ces deux textures et qui arrive par moment, dans le jeu. Donc, il y a aussi, je pense, forcément une coupe franche qui a été faite sur certains objets pour pouvoir coller au mieux à la version PlayStation, notamment PlayStation 4 de base, et qui n'ont pas forcément été rehaussés, du moins dans cette partie là sur PS4 Pro. Je sais pas ce que dit la version PC par contre à ce niveau là, Sei, puisque je pense que toi tu l'as essayé sur PC aussi ou pas du tout? Je l'ai complètement essayé sur PC, je l'ai essayé que sur PC. Et je perds ma voix. Et sur PC, franchement, le jeu est magnifique. Comme je te disais, l'intro Last of Us au tout début, là où tu es sur la barque avec la nénette et que tu te fais attaquer par les crocos. Les crocos. Elle est magnifique, quoi. Franchement, je suis arrivé là-dedans. La flotte, la végétation, les textures. Là, il n'y a pas de problème de texture de bois ou de quoi que ce soit, ou de choses vraiment qui te sautent à la gueule en décalage entre les objets et puis le mobilier, par exemple. Non, tout est très très beau. Il y a certains décors qui sont un petit peu en dessous quand tu avances dans le jeu. Par exemple, le décor Inca est un peu limite de temps en temps. Des fois, tu as l'impression que c'est un vieux mode Half-Life. Moi, j'aimerais savoir, juste, pardon de te couper, la foule de Woolstock, elle est comment sur PC? Horrible. Ah, d'accord. Elle est horrible, ça fait plaisir. Comme sur PlayStation. non, parce que... Ça me fait plaisir, oui. En fait, on dirait, tu sais, les vieilles foules des jeux PS2 sur des jeux de bagnole. Oui, où à l'ancienne. Voilà, t'as juste en fait un espèce de bitmap qui bouge comme ça pour les personnages, ultra flou. Ouais. Pas du tout polygoné et puis t'en as plein comme ça. En fait, ils auraient dû rajouter peut-être un espèce d'effet de lumière qui éblouit un petit peu la scène. Comme ça, tu t'aurais vu juste des espèces de ouais, mouvements. Des, comme des ombres. Comme ouais, des ombres, masses. Voilà. Ouais. Ils auraient pu cacher un peu la merde. Hein. Surtout qu'en plus, t'en as genre 3-4 qui sont mieux modélisés que tout le reste. C'est ça. Et du coup, ils choquent. Ils sont copier-collés. Ils sont copier-collés. Mais qui sont dégueulasses quand même. Mais qui sont quand même horribles. Ouais. Mais ils sont mieux que le reste. Ouais. Mais voilà, moi c'est, ouais, c'est vraiment pareil. Quand je suis arrivé à Woodstock, c'est le premier truc que je suis allé voir. Je suis allé au bord de la scène et j'ai regardé et j'ai dit vous êtes laid. Vous êtes laid. Je vous gère dessus. Je comprends mieux pourquoi il y a certains rockers qui crachent sur les groupies. Après, les vrais persos qui interviennent dans le ça va. Comment dire, dans l'histoire, sont les, quand même non, beaucoup sont plus propres. Les PNJ, ça va bien. Oui. Mais c'est quand même très rigide. C'est très rigide, ouais. Le, ils sont, le gars qui boit sa bière, il est vraiment. C'est robot, quoi. C'est... Mais, même celle du début, là, avec sa capuche, la capuche, elle fusionne complètement avec son corps. Et c'est vrai que quand tu la vois de face, tu vois que tout bouge d'un coup, quoi. Il n'y a pas vraiment y a pas trop de finesse à ce niveau-là dans les mouvements, quoi. Ouais. Sur elle, ça m'a pas trop choqué. D'ailleurs, j'avais fait des tests, j'avais pris la batte de baseball et j'avais essayé de lui mettre sur la gueule comme ça la batte de baseball et elle bouge. Ah, c'est interminable. Ah non. Ah si. Bah, si. Ah ouais, si. Elle bouge. Ouais. Il y a plein de petits tests comme ça à faire sur la physique du jeu. Et elle bouge. C'est la même chose. Et genre presque ouais. Même toi, elle te regarde en te disant, t'arrêtes tes conneries maintenant. Elle te le dit. Moi, c'était un Terminator quoi. La meuf, elle bougeait pas. Ah non. Elle réagit. Même le hippie sur la scène de Woodstock, quand tu lui mets n'importe quoi au visage, il fait. Il écarte sa tête. Il y a une interaction. Il y a une interaction, ouais. mais le mec change pas le ton quand il parle, tu vois. Il termine sa phrase normalement et toi tu lui mets la grenouille chelou sur la bouche, mais le mec il continue de parler comme si de rien n'était, tout en réagissant un peu et puis oui, d'une manière un peu rigide quoi. Donc mais moi ce qui m'a le plus choqué, c'est le son, surtout quand on tape avec la batte, tu sais, sur les crocodiles ou alors sur la tête de la meuf qui dirige la barque là. Ouais. Et en fait ça fait pouc. Tu sais, autant t'as l'alligator qui arrive et tout qui arrache les tonneaux, tu vois, qui maintient le radeau à flot. Et tu leur tapes dessus et tout et ça fait vraiment un truc comme pouc. Ah ouais. Comme si t'avais pris une cuillère en bois puis je sais pas, une casserole, une connerie, et franchement je fais ah ouais. Ça dépend des, à mon avis ils ont pas, enfin c'est pas non plus des gros studios. Le seul truc qu'ils avaient fait M-Theory avant, c'était la visite du parlement néo-zélandais, je crois, en VR. C'est le premier truc qu'ils ont fait. Donc voilà, ils ont bien évolué. Donc, quoi, c'est ils ont très bien évolué, mais je veux dire c'est pas non plus un gros studio. Je pense qu'ils ont pas pu essayer tous les cas de figure dans la sonorisation. Moi je l'ai trouvé plutôt la sonorisation assez intéressante. Par exemple le fait que ça va aussi hein. Le fait tu avec tes doigts, tu sais, enfin moi je tapote partout, ça saoule tout le monde. Je tapote à chaque fois que j'ai une surface, je tapote avec mes doigts et je fais pareil. J'ai fait pareil dans le jeu ou avec des éléments du décor. Et justement il y a une recherche en fait. Quand tu tapes avec ta poêle à frire dans la cuisine, ça fait pas le même bruit que quand tu le tapes contre le frigo ou contre le lit, tu vois. Il y a une petite finition comme ça qui est plutôt pas mal. Pareil la physique du jeu. Ouais, c'est un truc. Il y en a une petite. Elle est plutôt bonne en fait. Et le jeu, surtout sur PC, quand je l'ai essayé, ça m'a vraiment fait penser. J'ai eu un petit peu le feeling de Half-Life Alyx avec tes mains. Oui. Tu commences à ouvrir une porte avec tes mains, tu sais, et puis tu l'entrouvres comme ça. Tu la prends et hop, tu peux avec ta main, t'es pas obligé de tenir la poignée pour l'ouvrir. Tu peux la pousser physiquement. Ouais. Les objets ont une réalité physique, justement. Il y a plein de petits objets que tu peux récupérer. Tu balances. Les jets fonctionnent très bien. Tu balances tes petits bouts de papier pour mettre des paniers. Ça fonctionne bien. Tu prends un bouquin, tu le balances contre la vitre elle explose de façon super réaliste. J'ai éclaté aussi les vitres, c'est pas mal. C'est pas suffisamment utilisé dans le gameplay, mais il y a plein de choses comme ça qui montrent que voilà, il y a un sacré taf au niveau de l'immersion dedans. J'ai beaucoup aimé ça. Il y a une petite physique. Ce qu'il faut souligner, du coup, hormis l'histoire des sous-titres, mais on peut le dire, on l'a quasiment. Enfin, je sais pas trop pour toi, El Rocco, mais Sei et moi, on l'a quasiment terminé. On est sur un jeu fini. Ah oui. Ah non, mais complètement. Sur un jeu full buggé qui a besoin d'un patch de 12 gigas à sa sortie. Non. Il y a des bugs. Moi j'ai, oui. Moi j'ai eu la, oui, j'ai une multiplication, une démultiplication de grenouilles dans ma partie. Ah oui. En fait, à chaque fois que je rechargeais, à un moment, j'avais une grenouille qui apparaissait. Donc au départ, t'en as qu'une seule que tu dois avoir dans ton appartement. Donc après, j'en avais deux. Après, j'en avais trois. À un moment, j'ai pas eu ce problème. Je suis revenu d'un des premiers lieux du jeu. Quand je suis revenu dans l'appartement, la grenouille, elle volait et elle tournait dans les airs. Comme ça, comme s'il n'y avait plus de gravité. Après, peut-être que c'est voulu, hein, parce que la grenouille est vraiment particulière. Est-ce que c'est voulu pas je me suis demandé, parce que je l'ai vu se dédoubler, je me suis dit, oh, quand même, c'est un bug de chargement de mémoire ou un truc comme ça. L'avoir volé, pareil, je me suis dit, mais attends, mais ça, en fait, c'est par rapport à ce que je viens de voir dans le niveau de précédent. Mais en fait, a priori, non, elle me l'a fait une fois, elle me l'a parfait après. Donc il y a quand même des petits bugs. J'ai aussi eu un bug bloquant qui m'a obligé à relancer un chapitre entier. J'avoue que du coup, quand t'as des bugs comme ça, tu peux te poser la question de savoir si c'est voulu ou non, quoi. Mais c'est ça, c'est ça. Donc, parce qu'ils sont bien faits en fait. Donc, ça fait partie justement des bugs marrants, tu vois, des bugs où tu te dis finalement ça apporte presque même quelque chose au jeu. C'est ça. <T'as... rire> Parce que la grenouille, elle est chelou quand même. C'est supplémentaire, quoi. Voilà. J'en ai eu un aussi de bug avec la grenouille, parce que en fait, ce jeu, il faut le dire, c'est aussi un truc pour apprendre aux gens qui ne sont pas très maniaques, tu vois, à bien savoir où mettre les choses, parce que voilà, on doit utiliser certains objets dans une époque. Voilà, il y a certains objets dans une époque qui doivent être utilisés dans une autre. Et quand tu ne sais pas où tu as mis, par exemple, je dis voilà, ça, c'est pas un spoil, mais la batterie. Qui est utile pour plusieurs outils. T'es mal. T'es dans la merde. t'es dans la merde. T'es vraiment dans la merde. Ah, et... tu vas te retaper toutes les époques pendant un bon moment. Ah, mais c'est ça. Donc tu me mets à ranger et tout. Et puis cette grenouille là, moi je me suis dit putain, mais déjà elle se barre, donc tu dois t'arranger pour la récupérer. Et je me suis dit attends ma cocotte, tu vas pas te barrer deux fois. J'ai voulu la mettre dans un tiroir, tu sais, t'as un genre de tiroir où tu ranges les dossiers. Je l'ai foutu dans le tiroir, j'ai fermé le tiroir. Maltraitance. Seulement. Mais non, t'inquiète. Maltraitance animale. Elle respire, elle dort. Elle dormira pour toujours. Tu peux lui mettre des taquets en plus. Elle sera à moi. J'aime bien. Tu ouvres, tu fermes le tiroir. C'est bon, t'es toujours dedans pour moi. Non, tout va bien. Je vais bien. Elle s'affaisse quand tu la tapes. Quand tu Elle est vite faiblarde. Ouais, elle est molle. Ouais. C'est vrai qu'elle est assez molle. Moi, je l'aime bien cette grenouille. Franchement, je me suis attaché. Presque. Par contre, elle s'échappe pour de vrai chez vous, parce que moi non. Non, en fait, non. Moi, je croyais qu'elle allait s'échapper. Elle bouge. Oui, elle bouge. Donc, moi, je l'avais mis dans le tiroir de dossier. Seulement, en fermant le tiroir, en lâchant le move, il y a eu un énorme bug. Alors, ça a été visuel, tu vois, où je sais pas, elle a disparu façon Dragon Ball et elle a atterri. Alors c'est dans la cuisine, derrière, entre le meuble et le tiroir, le fond du tiroir à l'intérieur. Ce qui fait que le tiroir en fait il s'ouvrait tout seul et je pouvais pas la récupérer, tu vois, même en glitchant, en mettant la main à travers le tiroir, je pouvais pas la récupérer. Donc obligé de relancer le truc pour, enfin relancer la partie pour qu'elle puisse réapparaître dans l'appartement comme ça. Et donc du coup je l'ai foutu dans la baignoire. Voilà. Elle s'échappe pas. Elle est contente comme ça. C'est elle bien. Est bien. Elle se sent presque comme chez elle. Bah voilà, c'est ça. Presque. Ouais, voilà, presque. Et puis du coup, non. Hormis ça, pas d'autres bugs. Même à un moment, tu sais, vu que tu sais plus trop si c'est des bugs ou pas, à un moment, tu dois allumer des bougies de différentes couleurs et quand tu te trompes trop, en fait, les bougies elles deviennent blanches et impossible après de les éteindre. J'ai pas fait ça encore. Des fois elles s'éteignent et au bout d'un moment quand tu te trompes trop elles s'éteignent plus et je suis resté bloqué je sais pas combien de temps sur ce truc là et je me suis dit putain mais c'est un bug parce que j'essayais, j'entendais un bruit comme si elle s'éteignait mais en fait elle restait allumée ouais, donc, et du coup c'est un bug ou c'est... Et en fait sur le Discord on m'a dit mais t'as essayé de les éteindre avec le pistolet à eau. Je dis bah non j'ai pas essayé, j'ai essayé ça marche. Tu prends le pistolet à eau que donc tu. Donc c'est que pas tu un bug. Non, c'est du coup c'est pas un bug. Et c'est pour ça il y a plein de petits trucs intelligents. Tu vois des objets en fait que tu découvres en tout début de partie que t'as complètement oublié et en fait ils ont encore leur utilité des heures et des heures après parce que le jeu est long hein, quoi, mine de rien. Alors, c'est pas un bug mais par contre c'est un spoil. Ouais non mais d'accord c'est une aide. Merci, c'est une aide. Ouais. C'est une aide. Mais tu seras content quand tu arriveras à la partie de justement de pas passer une demi-heure à essayer de te poser des questions et à devoir recharger ta partie et ton chapitre. Et perdre toutes tes rangements, justement. Tu vas pouvoir me dire si je suis loin de toi. Moi, je cherche encore une façon de garder la torche allumée. Ouais. Chez les Incas. Oh, t'es un petit peu loin. T'es à une heure et demie de moi. Bon, même un peu plus. Mais réfléchis. D'accord. Hein? Réfléchis. Réfléchis, c'est pas compliqué. De quoi? Hein. De quoi? De garder une torche allumée? Bah ouais. Bah bien sûr. Bref, on va pas spoiler. On va pas spoiler. Ou alors on fera. On en parlera en off si tu veux. Voilà. Si t'as besoin d'aide, on en parlera en off. On fera une. Non. Je trouverai moi-même parce que j'ai galéré, ne serait-ce que pour ouvrir l'une des premières portes de l'appartement. Et quand j'ai trouvé la solution, ça a été l'orgasme. Voilà, c'est j'ai ça, gueulé. Hein. C'est voilà, ça. Donc, il est prenant. Il est prenant ce jeu. Et ça, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. Voilà. Je suis pas du tout bon au jeu d'énigmes. Je suis assez con dans mon genre. Et surtout, j'ai pas la patience. Et ce jeu-là, en fait, tu prends ton pied. T'as toujours en fait une résolution logique dans les énigmes. Ah oui, mais c'est que ça. Quoi, et ça fonctionne très bien. Des fois, c'est con. Hein. Des fois, c'est un peu con, mais ça fonctionne. Et finalement, c'est plausible. Et il y a aussi, à un moment, tu dois craquer un code. Mais t'as plusieurs étapes, en fait, pour craquer le code. J'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, putain, je vais me prendre la tête encore à faire ça. Et t'as un tableau juste à côté avec une craie. Et bah, c'est la première fois dans un jeu en VR où justement on te file une craie et un tableau, mais c'est utile. Et c'est utile, mais grave. Et tu prends tes notes comme ça et tu regardes ton petit papelard comme ça avec tes premières parties de code. Tu commences à prendre tes notes. Mais total, c'était tellement immersif pour le coup. C'est ça. J'avoue, j'ai aussi été bluffé par cette phase-là. C'est ça, et j'ai adoré. Et justement, tu fais des trucs, tu fais tes ratures et tout. C'est vraiment génial quoi. Après, t'es dessus, hop, tu reprends. Tu tapes sur un autre appareil. À noter que j'ai résolu cette énigme. D'ailleurs, on parlait de bug. Du coup, j'ai résolu cette énigme en ayant les deux tiers de ce qu'il me fallait pour pouvoir la résoudre. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je crois comprendre. Ouais. Ouais, t'es allé directement là. Calmez-vous, les mecs. J'y suis pas encore. Calmez-vous. Non, mais là, justement, il fallait. Et tu te rends compte que finalement, c'est l'éléphant en fait qui a tué la sœur. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, il y a un moment où il y a trois éléments, si tu veux, qu'il te faut, et j'en avais que deux, en gros. Mmh. Et le troisième, impossible de remettre la main dessus. Pourtant, dans la période en question, dans les périodes en question où il fallait que je récupère les éléments, je les avais laissés à l'endroit de départ, si tu veux, je les ai pas touchés. Sauf que, il y en a un qui me manquait, j'ai été incapable de remettre la main dessus, mais j'ai quand même réussi à trouver la solution sans avoir besoin de ce troisième élément. Mais par contre, je sais toujours pas où il est passé dans tous les cas. Donc, mais je te dis, c'est vraiment de l'organisation. C'est un jeu où il faut s'organiser, mais. Non, mais là, c'était un bug, il avait carrément disparu. Là, c'était un bug parce que je incapable de remettre la main dessus alors qu'elle était censée être au même endroit que là où le jeu la pose dès le départ. Quoi. Mmh. Ouais. Souvent, quand il y a un objet qui est hors, tu sais, quand tu lances quelque chose, notamment chez les Incas, il y a un endroit où tu peux pas descendre et tu peux forcément jeter des choses, et l'objet apparaît à son point de départ. Il réapparaît en fait. quand il n'est plus atteignable. Ouais. Cette grenouille qui est revenue à son point de départ. Mais du coup, il est poliché finalement ce jeu, et c'est bien. Il y a juste une énigme qui m'a saoulé. C'est les énigmes avec. Il y en a sur plein de jeux plats ou n'importe quoi. Et pour moi, ça, c'est ma kryptonite. C'est les cercles concentriques à bouger. Ah oui. Avec plusieurs rayons en fait qui bougent simultanément et tout. Faut pas faire ça. Là, j'ai passé une sale soirée. Ça, c'est chiant. Ça, c'est j'ai chiant. Vraiment surtout quand t'arrives à un cran. Quand t'as un cran à déplacer. Ça me rend fou. J'ai aucune logique pour ça. Moi, tu me fous un Rubik's Cube. Je suis tétanisé. Quoi. J'arrive pas. Et c'est ces trucs-là. Avec deux couleurs. Quoi. Voilà. C'est pas ce que j'ai trouvé le plus dur. Mais effectivement, il y en a plusieurs. Hein. Quand t'en as plusieurs. Ouais. Oui, le premier est facile. Le deuxième. Ah, d'accord. Ok. J'y suis pas encore. Mais bon, ça reste quand même. Donc, ça va. En tout cas, c'est un jeu qui nous a plu, ça, clairement. Oui. C'est un jeu qui est super prenant. C'est un jeu où il y a aussi des phases d'action de temps en temps. C'est pas uniquement des énigmes, t'as aussi des phases, même des phases de tir. Hein. De toute façon, c'est montré dans le trailer, donc voilà, il n'y a pas de spoil. C'est un jeu aussi qui arrive à te mettre la pression de temps en temps. Ouais. T'as des petits coups de pression, c'est genre toutes les heures de jeu à peu près, t'as un petit truc où t'as un truc au cul et tu dois te dépêcher. Ah oui, la guerre mondiale, ça y est, je m'en rappelle. Oui, tout à fait. Et t'en as plusieurs. Non, il y a pas que celui-là, il y en a d'autres. La guerre mondiale, je me suis un petit peu surpris à me baisser, quoi. Parce que bon, moi, je joue debout, mais c'est vrai que l'ambiance sonore est franchement telle que tu fais oula, et puis tu vois les impacts, je vais peut-être un petit peu me mettre à genoux, quoi. Et des fois, justement, ils te mettent un petit peu la pression comme ça, et puis après, ils te mettent un puzzle, ils disent, ah, vas-y, avant de crever, vas-y. Ouais, allez, ouais. Oui. Oh, je vois tout à fait de quoi tu parles, ça. Oui, tu te démerdes, là, vas-y. Amuse-moi. Ah, là, j'avoue, c'était grosse pression. Ouais. Donc, voilà. Bonne surprise, en tout cas. Sacrée bonne surprise, ce Wanderer. Non, c'est vrai. Après, on en attendait aussi quand même pas mal, vu qu'il avait l'air déjà très joli sur les trailers. Moi, franchement, sur PC, je suis absolument pas déçu. J'ai l'impression que sur PSVR aussi, il tient carrément bien la route. Non, il est en vrai. Franchement, il est. Il est plaisant à jouer. Il est plaisant à jouer parce que voilà, la physique est bonne, les contrôles sont bons. Il y a rien qui choque. C'est tout huilé pour passer un bon moment, quoi. Puis les énigmes fonctionnent. Voilà, c'est comme tu disais, c'est logique. Donc il y a toujours une solution qui est pas loin. Et puis le jeu est fini. Ça fait plaisir, faut quand même le souligner. Alors hormis cette traduction et cette histoire de sous-titres où j'avoue on n'a pas la solution, mais je pense que c'est les versions que les devs nous ont filées où il y en a pas tout simplement et que dans la version finale elle doit y être. C'est impossible. Ouais. Mais ce full anglais voilà qui est compliqué, qui est une aberration pour moi aujourd'hui, enfin en 2022, mais qui, après je peux le comprendre, mais encore une fois on parle pas de doublage, on parle juste de texte. Ah non, les doublages sont bons en anglais. Quand tu veux vendre un jeu dans des pays qui sont pas anglo-saxons, tu te dois de faire du sous-titrage et maintenant c'est obligatoire. Après moi je suis issu d'une génération où voilà, j'ai grandi avec des Monkey Island full anglais quoi, et tu te démerdes. Hein. Ouais, mais tu il y avait les sous-titres. En fait, ce qui m'emmerde, c'est que justement, c'est tu te démerdes, mais tu passes quand même à côté de au moins 40% du jeu. Parce que le scénario a l'air cool et l'histoire a l'air hyper intéressante. Et il y a toujours des notions que tu piches pas. Bah, donc je te dis, le jeu, tu peux le faire. Enfin, moi, je peux le faire. Après, je me débrouille en anglais. Enfin, j'arrive à comprendre et tenir une discussion, si tu veux, bon, sans aller au-delà non plus et de parler de choses trop spécifiques. Mais je veux dire, j'arrive à me débrouiller, mais tu pars pour un mec, comme on dit, on est déjà sur un marché de niche, on est sur un casque qui aujourd'hui a du mal à percer. Bon, il est sorti sur PCVR aussi, mais voilà, on est quand même sur un marché de niche et tu te prives aussi d'une partie des joueurs de par le fait de ne pas avoir de traduction dans plusieurs langues. Et c'est ça que je trouve dommage en fait. Pour faire des économies, tu te brides un peu, on va dire, de ce que tu peux gagner réellement avec ton jeu, quoi. Voilà. Faut que tu le lances et que tu confirmes. Hein. Est-ce que les sous-titres existent sur la version boîte ou pas? Moi, la mienne, je vais être obligé de l'ouvrir. Elle va perdre de sa valeur. Ah non. Ah, mais vas-y, sois pas comme ça. Profite de ce que tu achètes, quoi. Scalper, là. Voilà. Renifle-le. Si ça se trouve, il vaudra pas grand-chose. Hein. Même les jeux, peut-être. Est-ce que tu veux l'ouvrir dans 20 ans et puis tu sais ressentir l'odeur de 2022 et 2021? T'as vraiment envie de ressentir ça? Un peu de Covid là, comme ça, pendant la mise. Ah, si ça se trouve. Je lâcherai le plastique. Voilà. Le mec qui est responsable de la pandémie dans 20 ans, quoi. Salaud. Ouais. Et pour revenir au jeu, on n'a pas parlé des contrôles non plus. Si, j'en ai parlé, j'ai dit que c'était très bien. Ouais, mais toi, tu l'as fait sur PC. Alors, oui. Excuse-moi. J'ai des sticks. T'en as pas. Oh putain, le prolo. Donc, ouais, les contrôles sur PSVR sont plutôt bons aussi. Alors, c'est pas un jeu ultra dynamique. Mais ça fonctionne bien. Si la caméra est bien réglée, bonne hauteur, bonne distance, il n'y a pas trop de décrochage, voire même pas du tout. Donc, non, il n'y en a pas. Pas de problème de distance, pas de problème de grab, pour attraper les objets, pardon. Ça fonctionne aussi plutôt bien au PS Move. Ça se joue qu'au PS Move d'ailleurs. On ne l'a pas précisé, il n'y a pas de mode manette. Non, il n'y a pas de mode manette. Ça se joue que au PS Move et franchement ça fonctionne bien. Petit bémol quand même, alors soit je suis un gland et j'ai pas réussi à trouver dans les options, mais la caméra, les déplacements en fait se font avec l'endroit où tu regardes, ça se fait avec la direction du casque. Et moi personnellement, ça me gonfle en fait que ça soit pas la direction du move de gauche ou de droite, peu importe, qui dirige en priorité tes mouvements, voilà la direction où tu te déplaces. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui le proposent, ça. Dans les options de confort, est-ce que c'est déplacement, enfin virage à la tête ou visage à la main? C'est pas à la main et ça me, personnellement, ça me dérange. Le souci, c'est quand on a l'habitude de vouloir contempler et se déplacer en même temps, là tu peux pas. C'est ça. De suite, tu as la tête, enfin tu pars dans le mur quoi. C'est ça. Donc j'avoue que t'es obligé de t'arrêter pour regarder ce qu'il y a autour de toi. Bon après, il y en a qui préfèrent ce genre de déplacement. Effectivement, moi je suis un peu comme El Rocco, c'est pas mon cas. Mais bon. Voilà, comme on dit qui peut le plus, peut le moins, c'est vrai qu'il n'y a pas, pas d'autres versions, mais encore une fois... C'est un détail, c'est un détail. Ouais, mais ça reste la version dev, donc si c'est le même problème que pour les sous-titres, à vérifier. Ah, je verrai, la mienne d'édition physique, c'est l'édition signée de Perp Games avec un artbook, et ça met toujours un petit peu plus de temps à arriver, je verrai si, aussi, si là-dedans... Ce qu'on n'a pas précisé aussi, c'est que la version physique est moins chère que la démat sur le store. Ouais, de 5 euros. Elle est 5 euros moins chère. C'est bizarre ça, comment ça se fait. Donc si vous voulez l'acheter, vous voulez faire une petite économie, privilégiez plutôt la version physique non collector, du coup, non signée. Chez Micromania et chez Amazon, je crois. Un peu partout. Et Just for Games aussi, Just for Games. Vous la commandez et les frais de port sont offerts à partir de 25 euros, il n'y a rien à faire quoi. Donc, c'est rare, c'est rare, mais ça devient de moins en moins rare quand même, surtout pour les gros triple A là, quand ils sortent, où les versions boîtes dans certains magasins sont moins chères que les versions numériques. Et puis le jeu, vous allez le posséder, ça va être à vous, vous pourrez y jouer même si vous êtes un vilain monsieur sur le PlayStation, sur le PSN quoi. Voilà, on risque pas de vous ban à vie, vous et votre compte et vos jeux, accessoirement parlant. Les gens ne sont pas prêts, El Rocco. Les gens ne sont pas prêts. Enfin, certains ne sont pas prêts à entendre ce genre de choses. Donc... Oui, mais bon, faut quand même le rappeler que vous faites de la location à plein pot. Je sais que les Black Friday et toutes ces conneries, c'est l'argument un peu con du genre ouais, pendant les soldes, il y a de bonnes soldes. Il y a de bonnes soldes à 80%, oui, mais sur de la location, ton jeu ne t'appartient pas. Et il suffit qu'un mec un peu bourré, fasse le nouvel an chinois et appuie sur le bouton. Et voilà, bye bye tes jeux. Et puis va demander à Sony d'avoir un être humain. On dit ça parce que c'est arrivé encore cette semaine. Alors c'est arrivé à un gros youtubeur qui est très connu, donc ils lui ont remis son compte dès le lendemain, mais ils ont quand même précisé que c'était une erreur humaine, quoi. L'erreur humaine qui te fait que toute ta bibliothèque PSN, PlayStation, sous le pif. Il n'y a plus accès, quoi. Donc il avait, je crois, 10 ou 15 ans de jeux téléchargés et achetés auxquels il n'avait plus accès, quoi. Accusé de nudité. C'est un peu dangereux. Bah oui, on est des vieux cons, mais là c'est à raison, c'est quand même, grave. Non, c'est parce que je crois qu'il utilisait un VPN et en fait le serveur ou le bot en gros a signalé qu'il y avait des activités suspectes parce que le serveur changeait souvent de pays, etc. Et en fait ils ont pensé qu'il trichait, et du coup y a un mec qui a manuellement supprimé son compte banni pour triche vraisemblablement. C'est n'importe botting, quoi, je crois que c'était exactement. Oui, c'est ça, le botting. Je connaissais pas ce terme, mais donc voilà, c'est juste pour dire que ça reste dangereux, mais c'était l'instant vieux con effectivement. Mais oui, mais argumenter, il y a des bons arguments. Ça reste dangereux parce que c'est vrai que c'est con de se retrouver sans rien. Parce que ça reste de l'argent, mine de rien, ça reste une bibliothèque, quelque chose qu'on a acquis au fil des années. Et c'est bête de le perdre comme ça sur la simple erreur d'une personne ou la mauvaise interprétation de la part d'une tierce personne. D'une tierce personne ou pire alors, un ban pur et simple de la part d'un bot de modération. De Lolo le petit robot. Voilà. Donc voilà. Ouais, c'est notre petit quart d'heure râlage, ça fait du bien. Et puis les gens, ils aiment bien. Donc, ça change. Donc voilà. Parfait. Autre chose à rajouter sur Wanderer, à part que c'est un putain de bon jeu. Achetez-le. Ouais, la version physique est moins chère. Si vous pipez un peu l'anglais, achetez-le. Ça sera pas compliqué pour finir les énigmes, mais bon, vous passerez quand même un peu à côté de l'histoire, ce qui est dommage. C'est un incontournable parce que. Dans les jeux d'énigmes, oui, carrément. C'est carrément un incontournable. Vous confirmerez, parce que je pense que vous avez plus d'expérience que moi en jeu VR, puis vous avez écumé un peu toutes les expériences pourrites peu importe le style. Certains, ouais. Voilà, plus que moi en tout cas, mais en termes de jeu d'énigmes de type escape game, c'est celui, enfin c'est le digne représentant de voilà du style. Il est complet en fait. Il est complet parce qu'il y a beaucoup d'énigmes. Elles sont cohérentes, elles se suivent toutes. Tu n'es pas obligé de forcément toujours les faire dans l'ordre. Ouais. Et puis surtout, il y a une histoire qui tient la route derrière et qui amène, ben voilà, ce petit plus que tu as rarement dans les jeux d'énigmes. C'est ça. Tu ouais. l'as, mais la mise en scène fait que, si tu veux, tu as l'impression que voilà, c'est quand même mieux scénarisé, mieux mis en scène que sur d'autres jeux du style, notamment The Room que j'avais beaucoup aimé, The Room VR ou Blind Spot, qui était un peu plus léger à ce niveau-là, mais voilà, non, on est sur un très très bon puzzle game ou escape game d'ailleurs comme on peut l'appeler, avec une bonne réalisation sur PSVR et ça fait plaisir, voilà. Exactement. Ouais. Non, pour moi c'est une ref. S'il vous plaît, MTheory, un petit patch avec des sous-titres français, ça serait bien. Ça serait bien. On l'a demandé, on n'est pas les seuls. Ils ont dit qu'ils allaient voir ce qu'ils pouvaient faire pour plus tard, mais que pour l'instant, effectivement, c'était pas d'actualité. Donc... En tout cas, qu'ils travaillaient. Mmh. Si, qu'ils avaient en tout cas eux aussi envie de faire ça et de le oui, mettre en place. Oui, mais pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat, faut que le jeu se vende un petit peu. Alors, c'est un petit peu paradoxal. Hein, parce que... C'est pour ça, c'est ce que je dis. Voilà. C'est, des fois, il faut savoir se faire du mal pour arriver à atteindre ses objectifs. Parce qu'il faut pas oublier que c'est pas parce que le jeu se vend pas day one, surtout qu'il est prévu en plus d'être ressorti sur PSVR 2. Il me semble qu'ils l'avaient dit dès le départ, ils allaient le mapper avec les nouveaux contrôleurs, donc c'est jamais à fond perdu. S'ils doivent le remettre, ça sera quelque chose qu'ils auront déjà fait d'avance, quoi. Voilà. Faudrait pas qu'ils attendent une version remasterisée justement PSVR 2 pour mettre des traductions. Ça ferait un peu chier. Ok, bon bah je pense qu'on a bien fait le tour en tout cas de ce Band d'horreur qu'on a beaucoup aimé. Ouais. Ça vous va? Allez, et bah moi je vais parler vite fait de la version PC d'Hitman 3. Alors très vite fait, hein, parce que j'en ai déjà suffisamment parlé en podcast. Une version d'Hitman 3 sur PC qui se fait pilonner, mais comme jamais, pour la simple et bonne raison. Et que... à juste titre. Parce que c'est un jeu pas fini. Ah bah là, je suis désolé, mais. J'ai déjà entendu ça quelque part. Voilà. Qui s'est pilonné à cause de sa version VR, parce qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient justement pour la version VR. Toutes les personnes qui l'ont pas pris, notamment sur l'Epic Game Store, parce que l'Epic Game Store ne proposait pas cette version réalité virtuelle, alors que Steam le fait. Le jeu est ressorti à nouveau il y a 2 semaines, je crois, ou une semaine, bref. À 60 balles, donc plein pot, alors que ça faisait un an qu'il était sorti sur PC, sur Epic. Et donc la commu VR était un petit peu sur les dents, quoi. Ils avaient absolument envie de pouvoir tester ce Game of the Year PSVR enfin sur PC, avec des vrais contrôles, avec des vrais graphismes, voilà. Et malheureusement, parce que PC Master Race. Parce que PC Master Race, parce que PC 3090 Saras, t'as envie que ça tourne, t'as envie d'avoir le monde réel autour de toi dans ce genre de jeu. Mais bon, c'est pas le cas. Parce que tout ce qui faisait un petit peu, tout ce qu'on pouvait. Quand on jouait sur la version PS4 et qu'on jouait à la manette, on pouvait se dire, ouais, bah forcément on peut pas faire ça parce que c'est une manette. Forcément on peut pas faire ça parce qu'on joue pas au move. Forcément, il y a des restrictions au niveau de l'interactivité avec les décors. Il n'y a qu'une main qui fonctionne. Parce qu'il n'y a qu'une main active. Voilà. Voilà. Tout ce qu'on pouvait se dire en fait sur la version PS4, on peut pas se la dire sur la version PC parce qu'on a des contrôleurs VR quoi, sur PC. Avec une main gauche et une main droite. Et les actions, tu peux les faire qu'avec ta main droite. Alors, tu as bien tes deux mains qui sont dissociées. Oui, mais qui ne servent à rien. Ta main gauche ne sert à rien. Ta main gauche, c'est ça l'aberration en fait. Si tu peux bouger tes deux mains indépendamment, mais ta main gauche sert à rien. Parce que beaucoup. Tu peux même pas attraper un objet. Non, avec la main gauche. Non. Non, tu peux pas. Ta main directrice, c'est la main qui tient l'arme, c'est la main qui tient les objets que tu vas pouvoir utiliser dans le jeu. Mais tu peux pas te passer à un objet, genre avoir un flingue et avoir un extincteur prêt à l'emploi dans la main gauche. Tu peux pas, parce que le jeu, parce que le gameplay plat n'est pas fait pour ça. Hitman 3 dans ses contrôles en version plate, c'est un jeu extrêmement arcade. Hein. C'est pas un jeu où tu vas interagir à droite à gauche avec des objets. C'est un petit peu comme Resident Evil 7. C'est une adaptation d'un jeu plat dans un visuel en réalité virtuelle. Hitman 3, c'est exactement la même chose. Le problème, c'est qu'Hitman 3, justement, te propose une telle liberté d'action, mais d'action préprogrammée, que tu as envie, justement, quand tu as tes deux mains, quand tu peux faire ce que tu veux, tu peux claquer des mains, tu peux faire des coucous, des trucs comme ça, chose que tu pouvais pas faire sur la version PS4, et ben, tu te prends un mur, justement, d'impossibilité au niveau du gameplay sur PC. Que tu peux excuser sur PS4, mais qui est très choquant sur PC. Il y en a beaucoup qui s'attendaient justement à avoir une version full VR, c'est-à-dire vraiment que les développeurs full motion gaming, full version Alix, exactement comme Alix, parce que c'est la philosophie PC, justement, le pouvoir se déplacer en room scale sur je sais pas 5 mètres sur 5 mètres en jouant Hitman 3, c'est pas possible. Tu es dans ton personnage, si tu te déplaces pas au stick ton personnage, et ben en fait le personnage ne va pas se déplacer en même temps que toi. Faudra recalibrer systématiquement, sinon il va être tout tordu. Tu peux pas te retourner non plus en room scale. T'es obligé de te retourner au stick. Sinon ça ne marche pas. Tu vois ? Et c'est des choses que justement qui sont choquantes pour les joueurs PC, parce qu'ils ont l'habitude justement d'avoir des gameplay room scale qui soient vachement mis en avant, et c'est absolument pas le cas de ce Hitman. Ça doit faire mal. Ça fait mal, c'est un jeu de consoleux VR. C'est-à-dire, c'est un jeu, tu peux y jouer assis, évidemment, debout si tu veux, mais c'est un jeu qui est fait pour être joué assis. Un truc aussi, c'est que Code 47, il est très grand, il fait 1m90, 2m, un truc comme ça. Il a une tête de plus que toutes les personnes qu'il y a autour de lui dans le décor. Et ben, quand tu fais 1m60 et que tu joues à Hitman 3, et ben, c'est comme si en fait, le sol était 2 mètres en dessous de toi. Et ça aussi, il y a des gens qui n'ont pas apprécié, que ça prenne pas en compte ta taille réelle. Mais c'est normal, tu incarnes un tueur en série, enfin un tueur à gages qui fait 2 mètres de haut. C'est un jeu qui est fait pour être joué sans room scale, assis sur un fauteuil. Assis. Et c'est l'adaptation d'une version plate en VR. C'est ça, exactement. Et c'est pas un jeu VR, c'est pas un jeu qui a été prévu pour la VR. C'est pas un jeu où la résolution de tes problèmes peut être fait en room scale. C'est un jeu qui est résolu exactement de la même façon que la version plate. Et puis un autre truc aussi, moi, qui m'a vraiment saoulé, c'est que le jeu est pas plus net que sur PS4 Pro. Et ça m'emmerde carrément. C'est-à-dire que le jeu est en dessous de la résolution de mon casque. Et pourtant, j'ai pas un foudre de guerre, c'est un Rift S. Et je ne l'ai pas trouvé beaucoup plus beau que sur PS4 Pro. Il y a juste la gestion de la foule qui est vraiment meilleure, parce que là il y a zéro concession. Là où sur PS4 Pro tu avais du clipping de foule au bout de 10 mètres, c'est-à-dire que les personnages apparaissaient au bout de 10 mètres. Là tu as tout le monde qui apparaît, il n'y a aucun problème. Les foules, c'est des vraies foules, tu le vois jusqu'au bout de ton champ de vision. Il y a du clipping sur les objets, comme sur PS4 Pro. Et ça, par contre, ça passe pas non plus. C'est-à-dire que quand tu arrives devant un bar, quand tu es à 5 mètres du bar, tu n'as aucune bouteille. Quand tu te rapproches, tu as tout qui est rempli. Tu as les shutters. Voilà, tu as tout. Les éléments de décor sur les tables, et bah, pareil, ça apparaît aussi, ça pop à 5 mètres devant toi. Ça, c'est inacceptable. Je comprends pas. Pour moi, c'est vraiment une conversion feignante de la version PS4 PC, et PSVR sur PC, sans aucune optimisation, mis à part de la foule. C'est sûr. Hein. Voilà. Tu vas sur les éléments, sur des éléments qui sont des décors extérieurs. Putain, mais tu vois tellement mieux. Je suis passé justement, il sortait à peu près en même temps que Wanderer. Tu passes de Wanderer à Hitman 3, c'est choquant. Hein. Wanderer, il est magnifique à côté. Hein. Il est ultra fin. Tu peux pas dire ça. Ah si, tu te rends compte que tu dis du mal d'Hitman 3. Je dis du mal d'Hitman 3 sur la version, sur cette conversion qui aurait mérité beaucoup mieux sur PC. En tout cas, techniquement, c'est dommage. Et j'ai fait une petite vidéo de mes impressions à chaud sur Wrak. Le problème en plus, c'est que le Rift S a une dalle qui est quand même moins colorée, moins flamboyante que le PSVR. Et du coup, presque, je le trouve plus beau sur le PSVR que sur mon Rift S, et ça m'emmerde, quoi. Moi, si je l'ai racheté, ça c'est l'effet casque. Ouais, mais si je l'ai racheté sur PC, justement, c'est pour avoir la version sans contrainte technique. Et ils en ont rajouté, ils les ont laissés, alors que c'est juste une version qui a été optimisée pour la PS4 Pro. C'est dommage, quoi. Chez IO Interactive, ils sont pour la frustration collective de tous les joueurs, tu vois. Et non, mais c'est clair. C'est clair qu'ils sont cons d'avoir fait ça parce que bah, pour le coup ils se cassent totalement l'image qu'ils se sont fait avec la version PSVR quoi. Et ils gâchent cette version, cette version d'un jeu qui est pour moi encore un des toujours le meilleur jeu, un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué sur PSVR. La Sanguine de Smoke. Ah non, bon, certainement pas. On parle de vrais jeux là, monsieur. Et, oui, bah justement. Et fait par des petits studios. Et c'est frustrant quoi. Et en plus, ils sont vraiment cons parce que au lieu de dire ah ok, on va faire un patch, on va optimiser un petit peu cette version VR sur PC, on va rendre un petit peu plus net, on va augmenter la distance d'affichage, etc. Ou même améliorer les contrôles, même si je pense pas qu'ils pourront le faire parce que c'est vraiment le jeu qui est fait et qui est prévu comme ça. Au lieu de dire ça, ils ont dit pour ceux qui l'ont acheté jusqu'au 18 février, je crois, on va offrir les DLC, les contenus supplémentaires en plus. Mais on en a rien à foutre. Enfin, je sais pas, t'achètes ton jeu 60 balles. Il y a pas l'histoire du 1 et du 2 aussi qui sont offerts avec le 3. Ah non, ils sont pas du tout offerts avec le 3. Enfin, ils sont pas offerts. En fait, pour la grogne. Pour la grogne, en fait, non, c'est la version. Si t'as acheté la version standard d'Hitman 3, ils t'offrent la version deluxe. Si t'as acheté la version deluxe, ils t'offrent la version encore plus. Et ils t'offrent aussi Seven Deadly Sins, le DLC qui était sorti sur le 3. Sauf que moi ça m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est déjà le jeu de base mais optimisé quoi, tout simplement. Je veux avoir la bonne version parce que là tous ceux qui attendaient justement la version d'Hitman 3 en VR sur PC après avoir ricané gentiment et on en a entendu en voyant justement les contrôles sur PSVR ils ont le droit d'être frustrés quoi. Ah ils rigolent moins là. Ah, ils rigolent moins parce que voilà, du coup, ce qui passait sur PSVR, bah là, ça passe pas du tout sur PC. Donc dommage, vraiment dommage. Ce qui passait sur PSVR, oui et non. Après, on a toujours eu ce débat du motion gaming à moitié fait. T'y avais joué quand on discutait ? Oui, à la version plate. Non, je te parle de la version VR. T'y avais joué ? Non, mais de toute façon, j'ai quand même pas changé d'avis voilà. Sur le non. fait que. Non. Donc, ah, tu n'y as pas joué. Maintenant, j'y ai joué et j'ai quand même pas changé d'avis. Excuse-moi, t'es développeur ? T'es développeur ou pas ? Non, t'es pas développeur. Alors voilà, tu te tais. Tu t'appelles Mankane ? Non, tu t'appelles pas Mankane. John Mankane. Monsieur Serrano. Et non, mais après, j'ai toujours dit. Pour moi, c'est soit l'un soit l'autre, mais ce mix de motion gaming à la manette, on peut reparler de la corde de piano. Vous avez beau me dire, tu sais pas t'en servir, je suis désolé. Ah bah non, tu ne sais pas t'en servir. Ça fonctionne une fois sur quatre. J'ai plus de facilité à étrangler un mec que, à l'étrangler avec mes mains, pardon, qu'avec la corde à piano. Donc, c'est preuve que la manette, c'est une manette. C'est pas forcément fait pour faire du motion gaming. Moi j'aurais plus vu un gameplay qui rajoute un gameplay full manette sans cette partie motion gaming quoi. Parce qu'on se répète, viser, prendre une photo avec la manette c'est nul à chier. C'est vraiment le gameplay qui est vraiment nul à chier. Le sniper, ça va avec. Ouais. Le sniper, pour l'essayer, tu prends le tuto du gameplay VR. Donc même avant de commencer le jeu, et t'as une phase en sniper et tu te rends compte à quel point c'est la merde. T'as aussi le tuto pour la corde à piano, tu te rends compte à quel point c'est la merde. Et quand tu le refais sur PC, tu te rends compte que c'est exactement la même chose. Ce qui était foiré sur la version PS4 Pro et foiré sur la version... Donc est-ce que j'ai assez argumenté pour dire que ce motion gaming à la manette, je reste toujours persuadé que Hitman 3 VR à la manette avec les contrôles hybrides, en tout cas avec en face les PlayStation Move, c'est le top. Pour moi, ça reste le top. Après, c'est que du réglage. J'ai pas compris. Je suis désolé, mais. C'est-à-dire que pour moi, en fait, plutôt que d'avoir un gameplay foireux et qu'il ait été foireux quoi qu'il en soit, parce que le jeu n'est pas un jeu VR, c'est un jeu plat qui est. Attention, je t'ai pas parlé de PS Move. Moi, je t'ai parlé de faire un full gameplay manette. Sans motion gaming. Mais ça aurait été dommage. Mettre des patates. Viser avec tes flingues. Enfin, je sais pas, viser avec le flingue. Bah, si, ça marche. Tu vises avec la manette, quoi. Les gyroscopiques, comme les moves. Je le prends comme si t'enlèves le casque, en fait, et que tu joues à du motion gaming sans le casque. Tu vois, pour moi, c'est un peu pareil, à la première personne. je le prends, je le prends plus comme ça. Enfin, comme Resident 7. T'aurais préféré que ce soit genre plus un truc de Resident 7. Exactement. Moi, je le considère comme ça, comme Resident Evil 7, c'est mais un peu jeu plus adapté. Voilà, mais un peu plus, une version un peu plus avec un peu de. Mais en plus mettre les patates, c'est marrant, même à la manette. Oui, mais c'est tout. Bah, c'est déjà ça. Moi ça me suffit. Hein. Mettre des patates. Avec ta main droite. Mettre une patate avec ta main droite. Et peu importe où tu la mets. Parce que pour les gauchers, allez vous faire foutre. Oui, c'est ça que je voulais te demander. En gros, si t'es gaucher, est-ce que. Bah, tu vas te faire foutre. J'ai pas essayé, je suis pas gaucher. Non, mais c'est cool. Non, mais je veux dire, est-ce que la main maîtresse bascule ? Je t'avoue que j'aurais pu essayer, j'ai pas essayé de mettre une patate à la main gauche. J'ai pas essayé. D'accord. Non, mais en fait, même dans les options, enfin, je sais pas, t'as pas souvenir de. J'ai pas essayé, je suis pas gaucher. Non, mais vraiment, j'ai essayé, j'ai donné juste mon avis à chaud dessus. J'ai fini les trois premières missions d'Hitman 1. Toi, je le ferai juste de temps en temps, je le terminerai certainement encore sur PC. Mais la mission Italie, elle est vraiment belle, putain. Mais j'ai pas. Ouais, j'avoue, celle que t'as mis, elle est magnifique. Ouais, mais non, pas suffisamment nette. Sous le casque, franchement, ça a l'air beau sur la vidéo. Sous le casque, ouais. Tu sens que le casque, il est pas du tout à fond. Et en plus, le pire, c'est que l'échelle de résolution, je l'ai augmentée à 200%. Je l'ai mis à fond. C'est-à-dire que c'est normalement deux fois plus net que le jeu il est censé proposer de base. Mais dans tous les autres jeux, tu vois la différence. Là, En tout cas, t'es plus énervé dans les podcasts que sur tes previews. Parce que je suis tout seul et j'aime pas m'énerver tout seul. Parce que j'ai l'air con déjà. Et il veut du répondant. Et voilà, c'est dommage. En tout cas, je comprends la grogne des joueurs. Il faut que les gens arrivent à comprendre que c'est une adaptation d'un jeu plat en VR et c'est pas un jeu VR. Parce que c'est surtout ça qui est critiqué. Et puis voilà quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ma petite parenthèse quand même. Ouais, 25 minutes sur Hitman 3. Bah, IO, c'est pas beau. Voilà. IO, c'est caca, voilà. C'est pas bien ce que vous avez fait. À 60 boules, j'avoue que franchement, c'est pas terrible. Je croyais en vous. Vous étiez l'élu. En plus, il risque de pas faire grand chose, même à l'avenir, quoi. Bah non, franchement, enfin, il se prend tellement un bad buzz là. Non, mais je veux dire, les devs n'ont pas l'air d'avoir vraiment prévu de faire grand chose à l'avenir pour pallier à ça, quoi. Mais c'est ce que j'ai dit. Ils offrent des DLC dont on se fout plutôt qu'essayer d'améliorer la version VR. C'est dommage. Ils font des nouveaux modes sur la version plate, genre des cibles que tu peux abattre qu'une seule fois ou par Balek. Jour. Ouais. Oui, c'est un c'est un jeu service quoi. Vous avez annoncé des trucs de saison, machin. Enfin, oui, c'est bien pour les gens qui sont vraiment à fond sur le jeu. C'est très bien, mais des jeux service, pas forcément fan. Ouais, voilà. Mais bon. Dommage. Voilà. Chafouin. Ouais, chafouin. Ouais, un peu déçu. Et puis j'ai peur que malheureusement, faut pas s'attendre à beaucoup mieux dans les semaines, mois à venir sur ce jeu-là. Peut-être un mode, parce que ça arrive aussi. Oui, quand même. Voilà, après, si ça se trouve, la communauté de modeurs va s'en charger. Un mode HD. J'ai vu déjà qu'il y avait un mode qui existait sur toutes les missions sur PSVR qui n'était pas disponible en réalité virtuelle. Là, il y a un mode qui permet d'avoir ces missions-là sur PC, qui sont de base pas non plus en réalité virtuelle, et de les mettre en réalité virtuelle. Donc ça, c'est bien. C'est un truc tout con, hein, mais tu vois, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça dès le départ, quoi, IO ? Pourquoi ils n'ont pas mis toutes les missions comme ça ? T'as une mission spéciale qui est, je crois que c'est dans le Bangladesh. Parce que c'est un jeu pas fini. Où tu dois. Et tu dois suivre en plein cœur. Tiens, avec le petit sourire suffisant, peut-être que. Désolé, mais. C'est la vérité. Notre finish. Et voilà. Bon, bref, j'ai plus envie d'en parler parce que voilà, tu m'as vexé. Mais voilà, c'est dommage. Le clavier va voler. C'est dommage. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Du coup, messieurs, à moins que vous ayez envie de rajouter quelque chose dans cette émission, n'est-ce pas ? Je vais juste vite fait parler du pod sur la version. Sur la chaîne VRAC, pardon. Merci à tous ceux qui sont venus nous voir parce qu'on a eu une multitude de vues là. On a explosé. Pensez à nous lâcher un petit pouce. Voilà. Parce que. Bon, je suppose qu'on dit pas que des conneries, parce que bon, il y a beaucoup de stats sur YouTube qui sont accessibles, notamment la durée de visionnage qui est quand même assez énorme. Donc bah, j'en déduis que si vous restez, c'est qu'il y a un minimum de choses qui vous plaisent et que vous apprenez des trucs. Donc voilà, pensez juste à nous dire, enfin à nous laisser un petit pouce pour prouver que vous aimez bien, et puis ben nous ça nous aide. Voilà. C'est parce que tu es beau. C'est parce que tu es là. C'est parce que tu voilà. es beau. Voilà. C'est parce être, que tu ça es ça là. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Voilà. C'est quoi, c'est 5 minutes, 5-10 minutes, non, le temps de visionnage? 25 minutes. Ah, ils sont un peu longs quand même. Ok. Ouais. Bah, c'est bien, c'est très très bien. Enfin, 25 minutes de moyenne, c'est beaucoup hein, sur une vidéo YouTube. C'est pas mal. Voilà. Sachant que la moyenne est cassée par les gens justement qui vont commenter, et qui vont justement en commentant ne voir que les deux premières minutes de la vidéo, bah, ça fait casser la moyenne. Et puis voilà, enfin on sait très bien comment ça fonctionne de toute façon YouTube. Bref, on va pas vous faire le dessin. Vous pouvez nous retrouver sur Vrac, sur VR4Player, sur YouTube, sur Discord. Venez discuter avec nous, venez discuter avec la communauté fort sympathique sur Discord. N'oubliez pas de dire bonjour quand vous venez, vous essuyez les pieds, vous vous présentez, ça fait toujours plaisir. Et puis sur toutes les bonnes applications de podcast pour le podcast autour d'un VR, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air, de partager, de noter favorablement les émissions que vous aimez tant, en tout cas on espère, et puis ça nous aide beaucoup. Et il y a le Tipeee aussi, je vais le dire ça plus régulièrement, je pense, le Tipeee qui existe, le lien est sur le site VR4Player, n'hésitez pas à y aller. On peut se dire au revoir du coup ? On peut. Merci à ceux qui nous ont soutenus aussi sur les différents sites et applications de podcast qui ont laissé des commentaires et des bonnes notes, puisque du coup, ça paye. Voilà. Donc on est de plus en plus écoutés. Donc merci à vous. Voilà. Ça fait plaisir. On vous fait des gros bisous et on vous dit des gros bisous, à bisous dans 2 semaines. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Ciao. Mais t'es là, Laurent? Putain, Laurent, t'es là. Parce qu'on te voit pas, on t'entend pas. Mais il était là, en fait. Moi, heureusement qu'on a pas dit trop de conneries. Je vois juste deux carrés, là, comme ça, qu'ils font. Non, j'étais là, mais... Non, ça déconne, donc... Et puis bon, j'avais rien à dire sur Hitman PC, je l'ai pas essayé, et puis Wonderland non plus. Donc... Il faut, tu l'as installé, il faut merci que tu le lances. Merci d'être venu, Lolo. Voilà. Non, mais c'est bien, t'as fait les news, au moins, t'as mis à contribution malgré ton handicap. Non, par contre, j'avais pas vu ça. Et vous avez vu Meta, ce qui s'est pris dans la gueule aujourd'hui? Non, mais l'émission est finie là. Ouais. Oui, oui. Salut. Mais je crois qu'ils se sont pris moins 25% en bourse, non? C'est ça? Ouais, moins 25% aujourd'hui. En fait, depuis 6 mois, ils ont perdu 33% de leur valeur. Mark Zuckerberg aujourd'hui, il a perdu 30 milliards de dollars. Et Meta a perdu 230 milliards de dollars aujourd'hui. C'est un truc de dingue. En fait, c'est une mauvaise journée. Mais c'est la. Attends, je combien. Oui, 230 milliards de dollars de valeur, il a perdu en une journée aujourd'hui. Et Facebook subit la plus forte chute de capitalisation de l'histoire de Wall Street depuis 1792. Wow. Ah, du coup, on arrête l'enregistrement là. Hein? Moi, je continue là. Ok. Donc les raisons à ça, il y a deux raisons. Ils ont perdu un million d'abonnés sur Facebook, mais il y a aussi également Apple qui les a emmerdés parce que ils ont modifié iOS, et dans iOS maintenant, si tu veux de la pub, t'es obligé d'avoir le consentement des gens. Et du coup, eux, ça les a complètement bridés parce que tout leur revenu est fait sur la pub. Donc c'est pour ça aussi que ça s'est cassé la gueule. MetaQuest est toujours en bénéfice. Enfin, c'est toujours une structure qui marchait. Par contre, le souci, c'est que Mark Zuckerberg, ça fait pas mal d'années que son conseil d'administration veut lui faire la peau. Ils avaient déjà voulu le virer en mai 2019, en 2018. Ça fait plusieurs fois qu'ils essayent de virer Zuckerberg. Et Zuckerberg est majoritaire sur Facebook. Donc c'est son conseil d'administration qui doit prouver qu'il prend de mauvaises décisions pour le foutre dehors. Donc là, ce qui vient d'arriver aujourd'hui, ça va le remettre dans une situation délicate dans les semaines à venir. Sur ce, Marc, bonne soirée. Alors j'espère ça doit te faire plaisir. Eh ben, non, moi, ça ne me fait qu'est-ce... pas vraiment plaisir, parce que si Zuckerberg, il saute, si ça se trouve, Meta, voilà, si ça se trouve, le Quest, tu vas voir. Ouais, non, mais attends, le Quest, c'est quoi? Le Quest, le Quest, c'est un truc complètement fermé, c'est une espèce de hype. Pour l'instant, il n'y a personne. Il y a un élément moteur à la VR. Ouais. Oui, il n'y a personne d'autre. Ouais. C'est bon, les gens, ils ont été accrochés par la VR, ils vont peut-être maintenant passer à un vrai casque, quoi. Faut voir la suite. Laissons le PSVR 2 arriver et puis après il pourra arriver ce qu'il voudra. Moi c'est très bien, de toute façon maintenant je veux que Facebook crève, hein. De toute façon pour moi c'est de la merde. Eh ben écoute, deux jours de plus comme celui-là et Facebook est mort. Non, Facebook c'est vraiment, les gens voient pas à quel point j'avoue, c'est énorme, c'est 30% c'est 30% du capital, je vais te dire exactement combien ils ont perdu. Ils ont perdu 26%, tu viens de 33,76% en 6 mois. Et là, en une seule journée, aujourd'hui, ils ont perdu 26,39%. C'est énorme. Ah mais c'est un truc de malade, c'est jamais arrivé depuis 1792, la création de Wall Street. Donc là, demain, ça fait les gros titres de partout, quoi. Oh bah ça a commencé déjà. Je te dis, j'étais au courant avant l'émission. Truc de fou. Mais bon. Non, moi, je savais pas non plus. Même sur Twitter, ça a pas gueulé. Mais je vais aller voir. Ça va être intéressant. Pas encore. Bah tu sais, il y a un tweet en anglais. Faut qu'ils attendent le tweet de McLean. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait ce fake account ou quoi? Ouais, je sais pas. Mais franchement, c'est tellement ridicule que ça marcherait. Donc. Sur le certain. Ça t'imagine, franchement, ça serait abusé. Allez, je coupe là. Allez, pareil, je coupe. On est bien. OBS. Fais les tests. Enregistré. c'est bon, c'est parti. Arrête. Il y a des enfants qui regardent, merde. C'est bon. Niveau pop, on est bon. Niveau saturation, on est parfait. Parfait. Je vais exciter, essaye. Il sera mal à l'aise. C'est tous ceux qui critiquent notre son, voilà. Mais c'est juste pour vous. Spécial dédicace. À celui qui aime les pop. Que je dédie. Fais comme ça. Ah merde, on n'a pas entendu du coup. Faire du beatbox. Bon, moi c'est parti. Hein. Bah, moi je suis ça bon. Tourne. Moi ça tourne aussi. Allez, let's go. Let's go. Salut. Ah putain. Alors. Premier putain.